C'est pour cela que certains d'entre vous seront troublés parce que Dieu va prendre le temps pour enlever tout ce qui avait été mis en vous et qui ne le glorifiait pas. Et si tu obéis à Dieu, à la longue, tu verras les fruits de la parole de Dieu. Amen. Élève ta voix et parle à Dieu par rapport à ce que tu viens d'entendre au nom de Jésus. Cri de ton peuple, tu écoutes la prière de ton peuple. Ce ne sera pas facile de sortir de Babylone. Je sais ce que c'est, mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En guise de conclusion, je vais lire Ésaïe 14, versets 22 à 23. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. » Verset 23, « J'en ferai le gîte du hérisson avec un marécage. » Et je la balancerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Michel, je veux simplement te poser une question. Qui est responsable de ta maison? C'est ton bailleur ou c'est toi-même? Mais c'est moi-même. Tu as répondu à ta question. Alléluia. En fait, le bulldozer de Saint-Esprit, je le dis une fois de plus, est en marche. On ne peut rien contre l'église de Dieu. Le fait qu'on persécute comme ça, on dit que vous priez, votre prière dérange, attendez-vous à cela. L'église va avoir cette déferlance de la persécution. Ça veut dire que ça ne doit pas nous ralentir ou quoi que ce soit à nous réunir. Tout le monde comprend? Et autre chose, j'ai cru que quelqu'un a posé une question aussi par rapport à comment faire pour parler à nos bien-aimés. Je crois que quelqu'un a dû parler comme ça là. Comment faire pour parler aux bien-aimés qui sont dans les dénominations? En fait, écoute très bien quelque chose. Dieu ne nous a pas ordonné d'aller leur... Dieu, je sais que vous êtes surpris là. Dieu ne vous a pas ordonné d'aller leur parler. Dieu vous a dit d'abord de sortir. C'est ce qu'il a dit. Dieu t'a-t-il ordonné que pas d'aller leur parler? Non. Il a dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Comment tu peux être quelque part, toi-même tu es à l'intérieur, tu es dans le système, tu es sur un arbre, une branche, tu veux couper toi-même. Toi-même tu n'es pas encore sorti. Hier nous avons dit qu'il faut sortir d'abord physiquement et spirituellement. Ça, après être sorti, il faut qu'on lave les bêtises qu'on vous a mis à l'intérieur là. C'est la première chose. Quand tu vas faire cela, quand vous allez prendre position, vous commencez à aller, ah, quelqu'un va venir dire, mais toi depuis on ne te voit plus. Comment tu es? Comment on voit ta foi? Tu dis, ma foi va bien. Et toi? Après, pose-lui la question clairement. Est-ce que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Et quand il fait comme ça là, la faille est donnée pour lui parler de la part de Dieu. Quand il va voir sa façon de vivre, invitez-la, la personne veut écouter, c'est la seule façon. N'entrez pas là-bas, on va vous lapider. Parce que c'est l'institution, c'est l'entreprise des gens. C'est parce que Dieu, n'allez pas créer les amalgames, d'accord? C'est parce que Dieu nous a demandé de faire. Quand quelqu'un vous questionne par rapport à votre position, montrez-lui votre position d'après les Écritures et laissez le Saint-Esprit agir. Votre question, votre problème, parce qu'il ne faut pas sortir ici, aller faire des amalgames en disant que vous êtes dans le faux, vous entendez le faux, ce n'est pas l'attitude. Sinon, vous allez créer des barrières. Laissez le Saint-Esprit travailler. Témoignez seulement aux yeux des gens que voici ce que j'ai constaté dans l'Écriture. Voici ce que j'ai constaté. J'ose croire que quand vous prenez les choses, si vous allez vérifier, prenez les versets, parce que si vous commencez à aller bombarder les gens, que les dénominations sont diaboliques, il dit montre-moi. Et que tu n'as pas médité, tu auras des problèmes. Vous voyez? Si vous vivez quelque chose, vous vivez quelque chose en témoignage. Quand vous voulez témoigner, on n'a pas besoin de montrer des choses convaincantes. Quand vous vivez la chose, vous pouvez expliquer à tout moment. Vrai? Donc ça veut dire que vivez d'abord la chose. Prenez position pour vous-même. Tu voulais parler, bien-aimé? Quand tu vis la chose pour toi-même, maintenant, tu peux dire aisément. Alors maintenant, si tu prends parce que c'est une connaissance que tu as apprise, tu peux pas donner, tu auras des problèmes parce qu'on va te poser des questions. Il y a des questions là-dedans. J'attends des questions, des vraies questions, les questions ne viennent pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Ou bien vous assimilez vraiment tout. Ou bien vous n'assimilez pas du tout. Ah! Pour les questions. Souvenez-vous, il y a deux enseignements aujourd'hui. Donc, si vous bloquez avec les questions là, et quand ça va être long, ne dites pas que le frère Olivier est long. Oui, j'ai une question. Je l'ai posée la dernière fois sur Facebook. On n'a pas répondu. Je pouvais reposer ça moi, ma bouche maintenant. Parce que vraiment, j'aimerais, je ne sais pas si ça va susciter un enseignement, mais je suis tellement troublé. Le Seigneur a dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Maintenant, on va faire comment? Oui. Comment tu as fait pour avoir le disciple qui était chez toi? Tu as dit tout à l'heure que tu étais conducteur. Comment tu as fait? Ah ben c'est ce qu'il faut faire. Hein, bien aimé, c'est ça. La Bible déclare allez, faites toutes les nations les disciples. Quand Jésus dit allez, ça veut dire allez. Ça veut dire ceci, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand tu prends tout le monde comme étant disciple, c'est-à-dire que si on fait les gens des disciples, est-ce que tu es au niveau de comment faire les disciples ou bien quand, après avoir fait les disciples, c'est qu'on va en ça? Quel est le problème? C'est comment les faire ou bien après avoir fait les disciples, qu'est-ce qu'il faut en faire? C'est après? Ok, voici donc la chose. Voilà les questions qu'on attend ici. Après avoir prêché, la solution est là. Si le frère était là et je réitère la même chose maintenant. Actes chapitre 2 nous montre qu'après la première prédication, il y a combien de personnes qui sont converties? Avaient-ils conçu des dénominations? Un enclos de fous? Non. Ils se réunissaient où? Dans la maison, c'est simple. Ça veut dire bien aimé, en tant que conducteur spirituel, si tu es par exemple à quoi? Quelqu'un qui a comment on appelle ça? Bonaberry pour venir là-bas, c'est une faute. C'est à toi maintenant, en tant que conducteur spirituel, de lui dire que, bien aimé, au lieu de quitter Bonaberry pour ici, il faut ouvrir l'église chez toi pour que tu sois comme le relais là-bas, pour cette zone-là. Toute personne que tu vas prêcher maintenant, comme tu annonces la parole de Dieu, s'ils convertissent, ceux qui sont dans la zone de Bonaberry vont se réunir chez toi. Voilà la famille de Dieu qui grandit. D'accord? Il y a ce qui a dit tout à l'heure qu'elle est à Bassa. Je pose une question, s'il vous plaît, ce n'est pas une question piège. Dans la salle, c'est qui est celui qui habite à Bassa ici? Vous habitez à Bassa, n'est-ce pas? Vous habitez à Broua. Maintenant, bien aimé, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais à Bassa seul. Voilà trois personnes. Vous avez vu l'erreur, n'est-ce pas? Ne dites jamais que vous êtes seul. Élie a fait la même erreur. Il a dit qu'on a tué tous tes prophètes. C'est ce qu'il a dit, le prophète. On a tué tous tes prophètes. Je suis resté quoi? Dieu a dit zéro, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux, qui ne peuvent pas entrer dans la dénomination, qui ne se sont pas compromis, ils sont quelque part dissimulés. Je les connais. Dis à ton voisin, Dieu te connaît. D'accord? Donc il suffit seulement de dire Seigneur, montre-moi. Le frère là, peut-être tu donnes l'indication, tu vas te rendre compte qu'il est ton voisin. Mais tu ne savais pas que c'était un enfant de Dieu. Le voilà. S'il ouvrait maintenant sa maison maintenant pour le Seigneur, tu dis je suis seul, je suis seul. Peut-être s'il pose la question par rapport au quartier bien-aimé là-bas maintenant, comme il disait qu'il était aussi seul, je pose la même question ici. Là, vous allez voir que les gens sont bien-aimé, dans quel quartier es-tu? Attends d'abord, frère. Ngodi. Ok. Ngodi, c'est à quoi, c'est ça? Quels sont ceux qui sont ici qui habitent à quoi? Regardez autour de lui. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà l'église. Regardez, ils sont là. Mais il a dit tout à l'heure là que chez lui, il ne peut pas le faire. Mais je vois, c'est possible. Dis à ton voisin, tout est possible. Prends quelqu'un, non, dis à ton voisin que si tu as la maison, ouvre-la à l'église. Vous voyez, comme ça, la prochaine fois, quand je vais écrire au frère Olivier, dis, frère Olivier, salue l'église qui est dans ta maison. Amen. Que salue l'église qui est dans ta maison. Ne voudrez-vous pas écrire les épîtres? Amen. De l'excuseur. Frère bien-aimé, voilà trois personnes, ou bien quatre autour de toi qui sont engourdis. Donc c'est une faute devant Dieu de dire, je suis seul. Comment il veut adorer? Vous n'êtes pas seul. Regardez les nids éthiopiens. Quand il est rentré en Éthiopie, vous pensez qu'il devait adorer avec qui? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui a envoyé Philippe là-bas pour aller évangéliser? Après l'avoir évangélisé, l'avoir baptisé, qui l'a enlevé là-bas? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a enlevé, c'est pas vrai? Après l'avoir enlevé, c'est pour lui dire que ton œuvre est terminée, il est entre mes mains. Donc quand Dieu a sauvé quelqu'un, c'est Dieu qui a sauvé. Voilà pourquoi il dit que quand nous annonçons la parole, que nous veillons ou que nous veillons pas, ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu. Si tu as été instrument, voilà pourquoi les gens utilisent ces choses-là pour opprimer les gens. Je suis ton faisceau de disciple. Donne-moi ta dîme. Tu ne donnes pas, tu auras un faux spirituel, tu vas gêner trois jours. Ce n'est pas comme ça. Ce sont les brebis du Seigneur, ce sont les enfants de Dieu. Nous sommes frères les uns les autres. Comme Dieu t'a utilisé pour que la personne vienne en Christ, quelqu'un a été utilisé pour que toi-même tu viennes en Christ. D'accord? Oui. Le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-le à observer. Si maintenant je fais d'un jeune de Bonaberry un disciple, et que je lui dise que faites de ta maison une cellule, il sera enseigné comment? Voilà pourquoi les apôtres, les docteurs, les prophètes nous sont donnés. Il n'y a pas de question que la Bible ne répond pas. En fait, Dieu a mis tout à sa place dans l'église. Ok. Bien aimé, toi et moi, on se connaissait. Ok. Si par exemple, je suis docteur, le frère Olivier apôtre, tu es prophète. Voilà là, trois de cette fondation qu'il y a là. Alors, je peux venir librement parce qu'il n'y a pas de barrière dénominationnelle. Je peux venir chez toi pour donner l'enseignement des docteurs. L'autre qui est apôtre peut venir donner l'enseignement d'apôtres. Voilà pourquoi on prenait les disciples pour pouvoir détecter les dons qui étaient en œuvre. Ce que l'apôtre Paul faisait. Il a détecté Timothée, il a détecté Sylvain. Vous voyez cela? Maintenant, il peut dire que fais l'œuvre, celui qui a été imposé dans ma main, le don qui était communiqué par l'imposition de ma main. C'est pas ça? Alors maintenant, si les disciples sont formés, ce n'est pas dit que c'est ceux qui sont abonnés qui vont enseigner. Alors, les frères sont itinéraires, ils peuvent parcourir n'importe où. Quand on dit que Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est pas que les apôtres restaient sur place. Il partait des maisons dans les différentes maisons pour donner les enseignements dont il les correspondait. D'accord, bien-aimé? D'accord? Comment? Non, pas par plusieurs personnes. Par plusieurs personnes dont les uns et les autres ne sont pas dans, dans l'écriture. Quand quelqu'un vient vous donner, annoncer la parole de Dieu, vous pouvez savoir, n'est-ce pas? Toi, en tant que gardien des brebis, avec le groupe d'anciens, vous pouvez savoir quand cet enseignement c'est une part de Dieu. Pourquoi que si un enseignant vient au milieu des gens que vous dirigez, vous devez vérifier d'abord avec eux les enseignements qu'ils donnent pour voir si c'est scripturaire. C'est pas scripturaire, n'acceptez pas parce que ça va créer pour nous dans les brebis. C'est pas ça, bien-aimé. Alléluia. Alors, je peux passer directement aux questions, là. Je peux passer aux questions? Waouh. Ok. Bon, allons là-bas, les femmes maintenant. On a dit hier que les femmes ont fui. Elles sont venues aujourd'hui, la tête non voilée. On va encore y parler. Bonsoir à tout le monde. Je veux dire merci au Seigneur parce que depuis mardi, je suis là. Et je n'ai pas pu être là hier pour des raisons autres. Et le frère m'a taquiné tout à l'heure en disant je suis venue et je ne suis pas voilée. Justement, les femmes et moi également, je ne suis pas voilée. Bon, l'une de mes préoccupations, c'est dans ce sens-là. Avant de venir là-dedans, je vais dire tout simplement que cette conférence m'a permis de, c'est-à-dire de m'asseoir encore sur ce que je connais par rapport à l'Église et tout le reste. Maintenant, il y a une question. Depuis, il y a un mot qui revient, le système. Qu'est-ce qu'on entend véritablement par système? Est-ce que je préfère que le frère puisse me donner ce qu'il entend par système pour que je puisse continuer mon propos? Ok, jusqu'ici, tout ce qu'on a dit, toi tu as compris, c'est seulement le système qui est le problème. Système quoi? Il y a un système politique, un système dénominationnel, un système artistique. De système, nous sommes en train de parler de système, sortir du système. En fait, c'est pas sortir du système, sortir des dénominations, toute église apostate, toute église organisée. L'église organisée a mis un système, une façon de faire qui n'est pas la façon de faire du Saint-Esprit, des Écritures. C'est ça qu'on appelle système. Si j'ai bien écouté, ça veut dire que pour vous, système, c'est dans le sens qu'on a organisé les choses doivent se faire comme ci, comme ça. Voilà, dans toutes vos, dans tous les exposés que vous avez eu à faire, vous avez parlé de l'histoire et des réformes qui ont eu lieu. Et on sait que ces personnes-là, les marketing et autres que vous avez cités, et c'est des personnes où, allô, franchement, quand ils vous parlaient aussi de réformes, ils disaient que non, ça c'est la vérité, ça doit être comme ça. Mais s'il vous plaît, je finis. C'est-à-dire que, je vous dis, ce sont des personnes qui sont convaincues. Ils étaient convaincus de ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est faux, c'est véritablement vrai. Mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, il y a des choses qui se sont encore glissées. Et il y a un frère qui a dit tout à l'heure que ce sont des choses que nous avons trouvées, le temps de Jésus, nous avons trouvé cela. Parce que moi, je me suis toujours dit que voilà, c'est vrai, ce n'est pas ça les systèmes, aller à l'église tout le dimanche et tout le reste. Mais je me suis dit qu'il faut faire avec. Par exemple, je prends mon cas. Je vais dans une église protestante, pour ne pas citer le nom. Et quand j'arrive, par exemple, il y a ce qu'on appelle les cartes de membres qu'il faut payer. Je viens, je m'assois tranquillement avec l'ancien d'église. Est-ce que les cartes ne sont pas encore sorties, par exemple? Et c'est pas encore sorti, ça va sortir le mois prochain et tout le reste. Et voilà une opportunité pour moi de causer avec la personne. Et je peux vous donner le témoignage que beaucoup de personnes sont impactées par impactées, ça veut dire venir en Christ. C'est-à-dire que les yeux s'ouvrent véritablement dans ce que ils ont l'habitude de faire. Maintenant, en parlant de voile et de foulard, est-ce que le voile, c'est le foulard? Ou on porte le voile, ou on porte le foulard? La Bible parle de quoi? Merci. Alors, j'espère que tout le monde a suivi, c'était à haute voix, et tout le monde a suivi ce que la sœur a dit, n'est-ce pas, bien-aimé? Ok. La sœur l'a dit, on a trouvé, on a fait avec. On peut trouver le site, il suffit de laisser comme ça. Je pose la question. La prostitution, êtes-vous prostituée, bien-aimé? Vous êtes prostituée? Vous voulez faire la prostitution? Trouvez, faisons avec. Laissons-les ainsi, on laisse les prostituées comme ça. Alors je pose la question maintenant. Devons-nous laisser les prostituées continuer leur vie tranquillement? Avant, non. Pourquoi? Alors si vous dites non, il faut qu'on quitte la prostitution. La personne qui a condamné la prostitution a condamné les dénominations. Ou bien vous acceptez le tout. La personne qui a dit quand il dit sortez du milieu, il a parlé de la prostitution. Il parle de l'église organisée, de l'apostasie. Il a dit sortez du milieu de l'Apocalypse chapitre 18, verset 4. C'est ça, n'est-ce pas? C'est cette personne qui a condamné la prostitution dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 9 à 10. C'est pas ça, bien-aimé. Donc il faut prendre Dieu dans sa totalité. Dans Jacques au chapitre 2, le verset 10, la Bible déclare que si quelqu'un obéit à toute la loi et pêche contre un seul, il devient coupable de tout le reste. Ou bien vous prenez Dieu dans la totalité. Dieu n'est pas partiel. Vous ne pouvez pas prendre l'écriture qui vous arrange et laisser l'autre. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas le fait que vous avez senti bien ou bien que quelqu'un se soit impacté. L'impactable pousse la personne à vivre selon les saintes écritures. Ça veut dire que si la personne est impactée et qu'il continue à faire encore les cas des membres, alors que la Bible dit que c'est anti-scripturaire, il lui faut la délivrance. Le cadre des membres, on cherche les membres. Dieu ne veut pas des membres. Dieu veut des disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent le maître. Disciples, qui ont suivi la discipline du maître. La discipline du maître, il n'y a pas de cadre de baptême. Il n'y a pas de cadre de dîme. Il n'y a pas de cadre d'offrande, de Saint-Saint, il n'y en a pas ça. Amen. Alors, depuis que donc, il a été impacté, a-t-il changé cela? Combien sont sortis de là? C'était l'impactation. Les gens peuvent être convaincus, non convertis. Dieu veut les gens convertis. Converti, ça veut dire que métanoïa, changement d'état, changement de mentalité, changement de direction, de façon de penser, pour suivre la voie du Seigneur. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas les gens. Quelqu'un peut être convaincu? Satan est convaincu que Jésus est le Fils de Dieu? Ça fait de lui l'enfant de Dieu? Non! D'accord, bien-aimé? Je n'ai pas encore fini avec elle. Elle parle de foulard. 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà un problème. 1 Corinthiens, le chapitre 11, nous parle des voiles. Si vous lisez la version anglaise, les gens qui sont anglophones sont dans la salle, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, on parle des veils. V-A-I-L. Veils en anglais, dans l'Ancien Testament. Vous pouvez lire dans le livre de Genèse, au chapitre 24, le verset 65. Où il est question, lorsque Rebecca rentrait, lorsque Eliezer a amené Rebecca voir son mari Isaac, quand il a dit, qui est mon Seigneur? Il dit, qui est cet homme-là qui est là? Il lui a dit, c'est mon Seigneur. La Bible déclare qu'il a pris son voile, elle a pris son voile, elle s'est voilée. La version anglaise là-bas appelle cela veil. Maintenant, dans 1 Corinthiens, il est question encore de veil, cette fois-ci de V-E-I-L. D'accord, bien-aimé? Discutez n'importe comment. Celui qui a créé le ciel et la terre vous attrapera à la fin. Voici ce que j'avais dit. Ce n'est pas ton goût ou quoi que ce soit. Dieu a dit qu'une femme doit avoir sur la tête une marque dont elle à cause des anges, n'est-ce pas? Une marque d'autorité sur la tête. Portez le chapeau, portez n'importe quoi, mais que ça couvre votre tête. Le voile, quand vous parlez que le voile et le foulard, si vous parlez de voile en tant que foulard, quel est le problème? La Bible déclare que quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est déchiré? Si tu veux le remplacer par le foulard, si le temple avait le foulard sur la tête, c'est pas pour dire que c'est le fait qu'on appelle voile qui est quelque chose. C'est pas, ça veut dire que voilé, ça veut dire caché. Quand dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, la Bible déclare que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. La Bible, c'est catalupto. Qui veut dire caché. Ça veut dire que le voile signifie caché. Il faut cacher les cheveux. D'accord, mademoiselle? Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit le voile. Il faut que ça soit le voile. Qu'est-ce que tu appelles voile? Là-bas, dans le temps, il y avait un rideau qu'on appelait voile. Là-bas, il y a quelque chose qu'on a dit que si quelqu'un l'évangile est caché pour certaines personnes, caché, la Bible déclare dans votre 2 Corinthiens là, qu'il s'agit du voile. C'est le voile là qu'on met sur la tête, qu'on a pris verser sur le visage de quelqu'un qui ne voit pas. C'est ça, bien-aimé. Donc, il ne s'agit pas de cela. La Bible déclare de cacher les cheveux. C'est vous qui avez décidé d'appeler le tissu la foulard. Dieu a dit dans la Bible que voile. C'est vous qui avez décidé d'appeler cela foulard. Alléluia. Marcel, tu as quoi sur la tête? Un foulard. C'est vous, votre dictionnaire. Dans le dictionnaire de Dieu, c'est voile. Quand tu as couvert la tête, tu as caché. Donc tu as voilé. Amen. Ça discute. Les préoccupations sont terminées. J'ai parvenu à répondre à tout ce qu'elle a dit. Il y a encore quelque chose qui n'est pas répondu, bien-aimé. Quoi? Donc, si tu es protestant, continue à protester. Il y a autre chose que vous avez dit tout à l'heure. Il y a quelque chose que Il y a quelque chose qu'elle a dit. Elle a dit que, je voudrais corriger cela. Elle a dit, puisqu'on en a parlé de la réforme, que chaque réformateur est venu, il disait qu'il était dans la vérité. Non, aucun des réformateurs venant de Dieu ne peut dire de telles choses. Maintenant, ici, c'est la réforme de toutes choses. Toutes choses. On va rétablir toutes choses. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Martin Luther, pour prendre ce cas-là particulièrement, Martin a dit que toute écriture, que l'écriture ne peut se contredire. Que le Saint-Esprit n'enseigne pas le vrai et le faux. En fait, lui-même, il a été dans l'ambiguïté. Pourquoi? Parce que la révélation que le Seigneur lui avait donnée était dans Romains chapitre 1, le verset 17, n'est-ce pas? Que le juste vivra par la foi. Pourquoi cette parole sert à cette époque? Parce que les gens vendaient les prières. Et on le fait encore aujourd'hui. Il y avait la pénitence. Tu as péché. Lave, tu vas laver le sol aussi. Le sang de Jésus n'est pas suffisant pour laver tes péchés. La vente d'indigents, n'est-ce pas? La parole qui lui a été donnée, c'était « Mon juste vivra par la foi ». Ok. Maintenant, Martin Luther, en lisant les épîtres dont est arrivé sur Jacques chapitre 2, il a eu des problèmes. Voilà pourquoi quand vous allez faire la théologie, n'importe comment, vous montez ou descendez, il y aura les traces. C'était un docteur en théologie. En fait, il croyait que ce qu'il disait, Jacques contredisait cela. Conséquence, il a rejeté totalement le livre de Jacques. Martin Luther, dont nous parlons, le grand réformateur. Tu sors que quelqu'un, Jacques, il dit que va là-bas. Jacques dit là-bas que les œuvres sont mortes. Il dit, mais il ne comprend pas. Parce que dans le chapitre 4, on dit que vous voyez que l'homme est justifié, ne passe pas par les œuvres, mais pas par la foi. Là-bas, on dit que la foi sans les œuvres est morte. Et Jacques dit clairement que vous voyez que donc l'homme n'est pas justifié seulement par la foi, mais par l'œuvre. Il dit, hey, comment il veut m'enseigner les catholiques ici? Vous voyez? Pourquoi il n'avait pas la révélation de ce que l'apôtre Paul est en train de parler et ce que l'apôtre Pierre a parlé? Ils sont en train de parler de deux œuvres différentes, l'une vis-à-vis de Dieu, l'autre vis-à-vis des hommes. C'est tout simplement ce qu'il fallait. Amen. Donc c'est pour dire qu'il avait la vérité concernant les choses que Dieu lui a demandé de dénoncer. Voilà pourquoi si tu montes, tu descends. Si Dieu n'a pas permis que tu aies la révélation, tu n'auras pas. Il a dit que c'est ce qu'il a choisi. Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à ceux-là de révéler sans voir. Dieu a donné une brève lumière pour que Matthieu était puisse avoir cela. Voilà pourquoi il est venu la justification par la foi. Calvin est venu avec la sanctification. C'est les pentecôtistes sont venus avec le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons. C'est l'époque de Dieu. C'est les dispensations que donne ce Dieu qui est en auteur. Donc, c'est qu'il était dans le faux, ou bien tout ce qu'il avait dit, c'était la vérité. Parce que s'il avait dit tout, Jésus serait venu depuis. L'église serait prête. Amen. Il fallait que les gens soient sauvés par la foi. Mais il n'avait pas les dons spirituels se manifestant à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait il fallait encore d'abord la sanctification. Qui vivent dans la sainteté. Jean Calvin et autres, Zwingli, autres sont venus avec cela. Après avoir vécu cela, maintenant les pentecôtistes avec Joseph William Simon sont venus avec. Je crois que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est promis pour toutes les époques. Alors, boum, un de ces jours, pendant qu'il est en train de prêcher comme ça, là, une noire est restée derrière. Directement, le Saint-Esprit descend dans toute la salle. La restauration des dons dans l'église était là. Les trois sont là. La foi, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, tous ces trois sont donc unis dans l'église. Donc, on prend pour Martin ce que Martin avait dit de vérité. Les calvinistes avaient dit pour vérité. Pour Zwingli et autres là-bas, c'est mort pour vérité. Maintenant, on restaure. Parce que quand chacune des personnes sortait des dénominations, il inculquait, il prenait tout ce qui est certaines choses de ce système-là. Vous comprenez cela? Le baptême de bébé, les protestants pratiquent cela. Les luthériens pratiquent aujourd'hui. Ce qui a été étonné. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas étudié tous les autres domaines qu'ils sont catholiques pour savoir si c'était scripturaire. Ils ont changé le terme prêtre en pasteur, mais en fait, le clergé est resté identique. Voilà pourquoi, en ce temps-ci maintenant, on va prendre les vérités qui étaient dans chaque des mouvements. Voilà pourquoi le rappel de l'histoire était nécessaire. Et maintenant, regardez là où il y a les failles chaque fois pour corriger cela. Amen. Oh, mais je peux entrer ici directement? Donc, il y a quelqu'un ici. Oh. Bon. Bonsoir. Je m'appelle le frère Dick Alain Franck. Oui, je suis. J'ai un problème. Mais avant de dire mon problème, je suis vraiment béni par ce programme. Et ça confirme que Dieu parle encore et que Dieu est en mouvement. Parce que ça fait que moi, je crois 6 mois aujourd'hui, que Dieu m'a donné une parole. Dans Éphésiens 1, verset 13, dit en lui, après avoir écouté 1, la parole de la vérité, 2, vous avez cru, après avoir écouté 1, la parole de la vérité, 2, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Bon, Dieu m'a fait comprendre qu'il y a plusieurs paroles qui sont prêchées, mais il y a une seule parole de la vérité. et on doit s'atténuer. Avec le frère, Dieu m'a mis à cœur de rassembler les jeunes, de leur parler de cela. En fait, là, tout ce que vous avez parlé, en fait, dans certains textes, j'ai déjà tout avec les messages que j'avais déjà écrits. Donc, nous allons commencer par la grâce de Dieu sur le mois d'avril. J'ai un problème. Mon problème, c'est le suivant. Dieu vous a donné, vous a accordé la grâce. Il vous a donné la révélation de l'heure en ce qui concerne la réforme totale de l'Église. Et la manière de parler, excusez-moi de vous le dire, vraiment, ça me blesse. Ça va être au cœur. Pourquoi? Parce que la manière de dire que les autres sont dans le ciel. Bon, ils sont enfouis dans l'erreur et on sort dessus. C'est vrai, il faut sortir. Mais je vais poser une question, c'est que auparavant, nous tous, sans exception, nous sommes tous dans ce système. Et les frères qui y sont et les pasteurs qui y sont, comme vous avez dit dernièrement, si je me rappelle, il y a d'autres qui sont sincères dans le feu. Qui y sont, ils n'ont pas fait exprès d'être là, ils n'ont que hérité cela du parrainage spirituel. Qu'ils ont fait cela, ils n'ont pas pu avoir la grâce, ils n'ont pas eu la grâce de comprendre ces choses. Et le Saint-Esprit ne les a pas ouvert les yeux en ce qui concerne, parce qu'ils n'ont pas également pris le temps de méditer la parole de Dieu. Vous avez également dit tout à l'heure que Dieu accorde la révélation à qui il veut. Et il illumine qui il veut à l'époque voulue. Bon, vous dites déjà que ses frères et tous ceux qui sont dehors, qui ont les dénominations, ils n'ont qu'hérité cela par la parenté. Ils n'ont pas fait exprès d'être dans ce qu'ils sont. Et Dieu a voulu que ça passe par vous. Et maintenant, c'est donc passé par vous. Moi, la chose dont je refuse, je suis clair, nous sommes mis, que vous puissiez être traités comme les gens rejetés. En fait, la manière que j'attends le système étant déjà rejeté. Et nous sommes là-bas tous les frères. Et ils ont besoin tous d'être éclairés comme nous sommes éclairés. Et en ce début, je vais demander qu'est-ce que vous allez faire, premièrement. Je sais que par rapport au frère Olivier, vous l'avez approché, vous l'avez parlé. Et par rapport au corps du Christ, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez rencontré déjà ces papas dans la foi qui nous ont hérités, qui nous ont transmis cet héritage? Cet héritage dénominationnel du système et tout ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous les avez vus? Et est-ce que vous avez vu les anciens? Et avant d'appeler les chrétiens, parce que normalement, les programmes pareils, parce que c'est une édification, où il y a quelque chose vraiment que Dieu a soufflé un nouveau vent. Il a besoin, et les gens normalement qui doivent attendre ces choses premièrement, ce sont les personnes, les piliers de l'Église. Ceux qui sont, la Bible dit clairement dans l'acte 15, parmi les frères, nous sommes tous mis à les privilégiés. Il y a, la Bible les appelle les colonnes, les privilégiés. Bon, c'est vrai que nous sommes tous frères, mais Dieu a mis à chacun, comme il a mis en vous, un don particulier, et personne n'aura ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau, avant de venir au niveau de nous, le peuple? Merci. Je voudrais corriger encore une autre chose qu'il a dit, qui n'est pas vraie de ce que nous avons dit ici. On n'a pas taxé ceux qui sont dans la domination de faux. J'ai bien dit, corrigeons la chose, la façon de les approcher. Souvenez-vous, ce ne sont pas les gens qui sont à l'intérieur de dénomination qui sont le problème. C'est le système. C'est le système dont Dieu dénonce. Pourquoi il dit, mon peuple, sortez du milieu de... Pourquoi? Parce que si vous ne sortez pas de ce système-là, je l'ai rejeté. Alors, en frappant, je frapperai avec vous. C'est ce que Dieu dit. Donc, nous ne taxons pas les gens. Voilà pourquoi, que tu sois catholique, bouddhiste ou quoi que ce soit, Dieu appelle seulement que c'était l'ignorance. Maintenant, revenez à la repentance. À la repentance. Et quand l'appel est lancé, c'est lancé pour tout le monde sans exception. Nous devons transmettre le tel que Dieu a donné. Donc nous ne disons pas que ceux qui sont dans les dénominations, ce sont des renégats. D'accord? Ce ne sont pas les renégats. D'une façon ou d'une autre, comme tu l'as bien si développé, ils ont hérité cela. Maintenant, souvenez-vous, quelque chose d'hérité pour longtemps, ce ne sera pas facile de venir accepter quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi l'attitude de la réception de ce type de message compte. Beaucoup de personnes vont recevoir, faire la plus mauvaise des façons, rentrer vers les pharisiens pour lui demander, j'ai suivi tel message, comment? Alors que l'attitude voudrait qu'on prend, quel que soit ce que tu es, tu rentres d'abord analyser, prier, jeûner, demander au Seigneur de quelles questions. Mais quand vous allez devant votre pharisien, vous parlez des gens qui ont, comment avons-nous fait? Première chose, comment toi tu es venu ici, bien-aimé? J'ai été invité ici par mon pasteur. Le pasteur, il t'a invité ici? Ok. Où est le pasteur? Il est où? Ok. Maintenant, qui l'a invité lui? Il a suivi le programme à la radio. Amen. Ça règle le problème, n'est-ce pas? Bon, partiellement. Ça veut dire que nous ne faisons quelque chose à la cachotterie. Quand nous parlons ici, nous donnons le micro, n'est-ce pas? Vous avez vos Bibles ouvertes devant vous. Vous avez les pasteurs. On ne sait pas, vous êtes là-bas, vous voyez, il n'y a pas quelque chose, quelqu'un qui avait le col blanc. Vous asseyez là-bas, nous disons quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, prenez le micro, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous démontrez selon les Écritures. Alors, quand on met l'espoir à la radio en disant que Ousmane Eden, de telle période à telle période, sera organisé telle chose, la radio circule partout et ils écoutent. Quand ils entendent le nom, ils disent que Chabda, ils sortent de ton école de formation, ils disent non, c'est toi qui l'as consacré, non, c'est toi qui l'as consacré, non, ils sortent d'où? D'accord, bien-aimé? C'est ça, on n'a jamais entendu Chabda, ils sortent d'où? En fait, ils ne sauront jamais d'où on sort. Parce que si c'est l'un d'eux qui organise, c'est un collège. C'est un collège, comme les Sahedins se réunissaient. Ils se connaissent les uns les autres. Voilà pourquoi ils ont dit, de quelle autorité parles-tu cela? Jésus, il veut dire qui a signé ton diplôme. Il parle chez les pharisiens. Il est passé vers vous, il dit non. C'est les Sadducéens, non. Ils ont demandé à Jésus. Jésus a dit que, je vous pose la question, qui avait signé le diplôme? Vous avez lu ça dans votre Bible, bien-aimé? Quand on ne sait pas d'où vous venez, on va toujours essayer de chercher cet endroit-là, mais on ne trouvera jamais. Jésus avait dit que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. D'accord? En fait, ça veut dire ceci. Nous avons déjà fait ce qui était strictement nécessaire pour les invités. Tous ont suivi. Voilà ton pasteur qui a suivi aussi. Il a vu l'affiche quelque part. On mange, on distribue. Il y a certaines personnes, je ne sais pas qui ont distribué. J'ai suivi qu'on a donné les brochures aux gens. D'autres ont dit que, c'est si qu'on va aller là-bas, ils vont nous parler des foulards. Effectivement, on a parlé des foulards. Ils ont reçu l'invitation. N'est-ce pas? Ils ont pris position. Nous ne voulons pas que nos brebis partent là-bas. Parce qu'on va leur demander de porter le foulard. Peut-être ils savent qu'on va dénoncer ces choses-là. Nous ne nous inquiétons pas que vous soyez venus comme ça en peu de nombre. Parce qu'ils savent que voilà, il y a un feu qui est allumé en vous. Ce sont les témoignages qu'on entend ici. Le feu allumé en vous, que vous le vouliez ou pas, vous serez comme Jérémie. Vous taisez, ça va consommer à l'intérieur. Alléluia. Mm-hmm. Donc, les affiches que nous avons collées, on a dit réforme finale de l'église. Première chose, on regarde qui sont ces bishops. Parce qu'on a l'habitude d'avoir les bishops sur ça. On met la photo de l'homme de Dieu comme ça là. Il a le comme c'était Jésus qui va venir réciter les morts. Alléluia. Nous prêchons, s'il y a un mort là-bas, si le Saint-Esprit veut qu'il ressuscite, il ressuscite. S'il y a quelqu'un qui veut guérir, qu'il guérisse. Nous nous annonçons le royaume du ciel parce que tu peux guérir, aller en enfer. D'accord? C'est la vérité de la parole qui a franchi. Tout le monde comprend, bien aimé. Donc, ça veut dire que le fait qu'on annonce à la radio, on est affiché. Ils ont dit, Olivier Ndongo. Amen. Et ça ne va pas s'arrêter ici. Nous continuerons, si Dieu voulant, dans les chaînes de radio. On va parler. Vous allez entendre comment on va nous insulter, mes souhaits. Demain, déjà à 20h, on nous a invités à Vie Nouvelle. C'est eux qui nous ont invités. Vous êtes d'accord? On a appelé que venez. On va. Ils nous ont appelé. Donc, à partir de 20h, c'est ça? À partir de 20h30. Donc, il faut dire au pasteur, là, s'il ne veut pas écouter, qu'il ferait mieux d'éteindre la radio à ce moment-là. En fait, s'ils éteignent leur radio, lève-toi à la maison. Ils vont écouter. Amen. L'opportunité de parler. Alléluia. Amen. Comme hier encore, le Saint-Esprit me tourmentait pendant que le frère intervient par rapport aux questions. Mais je veux dire que c'est déjà l'enseignement, frère, parce que nous sommes en train de recevoir déjà. Je ne voulais pas parler, mais je vais essayer de parler encore pour que le peuple de Dieu comprenne certaines choses. Peut-être quand nos frères que Dieu est en train d'utiliser parlent, peut-être nous ne comprenons pas très bien. Nous croyons que peut-être ils veulent absolument que nous suivions ce qu'ils disent. Oh, c'est la vérité. Moi, je veux un peu de petite histoire en deux minutes. C'est pas à ma quête, comme je disais tantôt hier, que j'ai connu Olivier Ndongo. Il est arrivé prêcher là où j'étais avant. Mais en ce moment, le Saint-Esprit commençait déjà à œuvrer dans ma vie. Je ne partais plus là-bas, mais mon épouse y allait encore. Il s'est passé des choses là-bas où ça a été comme une moquerie. Mais quand j'ai suivi la conférence de ma képé, j'ai vu une autre image. Aujourd'hui, Dieu me confirme encore que quand il appelle quelqu'un, il a appelé. Parce que j'ai dit hier que c'est difficile de voir, homme de Dieu, entre guillemets, reconnaître qu'il est dans l'erreur et se repentir. Et cela bloque vraiment le peuple de Dieu. C'est difficile de voir cela. Donc nous devions bénir Dieu. Parce que c'est tous les jours que nous sommes enseignés, personne ne maîtrise la parole de Dieu. Même eux qui sont en train d'enseigner maintenant, ils sont encore en train d'apprendre. Nous devions le savoir. Ce que je voulais dire même, ce n'est pas ce que j'ai d'abord dit là maintenant, mais ça a eu une réponse, mais je vais encore m'appuyer là-dessus pour que nous puissions comprendre. Pour les cellules de maison, pour l'église de maison, moi, c'est aussi simple que ça. C'est vrai, le frère a déjà répondu, mais je vais encore revenir là-dessus. Moi, depuis un an, quelques mois, ma maison a besoin des frères pour que nous puissions prier. Alors, bien, tu as dit que tu étais dans quel quartier? Bassa. Bassa. Quels sont ceux qui sont à Bassa? Quels sont ceux qui sont à Bassa? Ok. Et le frère a dit qu'il y avait... De toute façon, vous allez voir, il a indiqué qu'ils peuvent donner leur région, n'est-ce pas? C'est ça, non? Les zones. Comme ça, si vous voulez y aller, on vous donne d'après cette zone-là. Donc, voilà quelqu'un qui donne la maison est ouverte au Seigneur. Je voulais dire une chose. Mon épouse continue à aller. Moi, je l'ai laissée. Mais elle me lance le défi tous les jours qu'elle veut d'abord voir. Et moi, depuis un an, quelques mois, depuis que j'essaye, parce que je lis vraiment en ce moment, et je vois le contraire de ce que nous vivions avant. Et dans cette conférence, je suis venu avoir une confirmation et beaucoup de choses que j'ignorais. C'est pour ça que j'aurai le temps de voir les faits pour que j'essaye de comprendre d'autres choses en profondeur. Voilà le moment. Dieu est en train de nous parler. Parce que tous ici, ce n'est pas du fait du hasard que nous sommes là, vu les questions. Dieu est en train de nous parler, franchement. Et il y a un feu qui est déjà allumé, comme le frère a dit tantôt. Moi, je veux dire quoi? Par exemple, je prends un exemple sur moi-même. Si, parce que ma maison est ouverte, il n'y a rien qui peut bloquer ça, parce que Dieu m'a choisi déjà. Si mon épouse qui m'a lancé le défi commence à voir qu'il y a quelque chose de changement, et elle commence à recevoir, parce que c'est une femme qui aime Dieu, recevoir la véritable parole, quelque chose va commencer à changer. Et les frères qui sont choisis pour l'instant comme pôle, il y a d'autres pôles parmi nous, moi je le sais, dans la salle, il y a d'autres pôles. Souvent invité, non, j'ai besoin de toi pour quelques jours, pour qu'on essaie de comprendre certaines choses, parce que moi-même, je ne comprends pas. Le Seigneur va permettre cette opportunité et le frère viendra transmettre quelque chose qui va rester. Et vous allez continuer simplement et dans la liberté. Moi, c'est ce que je voulais un peu ramener. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire, mais il faut que qu'on écoute en Dieu ce soir. Alléluia. Il a dit qu'il défend sa femme, il veut parler aussi seul. Il fait tout et tout. Il négocie comme ça pour qu'on veut faire que sa femme sorte de là. Ah, c'est le Saint-Esprit qui va les enlever. Si quelqu'un est destiné à rester, il restera. On n'a pas fait de concours pour être enlevé. Mais nous devons prier les uns pour les autres. C'est quelque chose de légitime. D'accord, bien-aimé? Alors, nous sommes disponibles pour passer de n'importe où pour donner cet enseignement-ci. Et c'est de votre droit, donc. S'il y a que... si le Seigneur veut qu'on aille n'importe où pour annoncer ces messages-ci, nous irons. Mais aimez le Seigneur avant toutes ces choses. Aimez le Seigneur, ne faites rien par dispute. D'accord, bien-aimé? Alors, vous pourriez permettre que je passe à ces questions-ci? Ok. Sœur Estelle, est-ce qu'elle est là? C'est la question qui avait été posée depuis. On va répondre là. Ah ben, de toute façon, il n'y a plus notre jour. Je vous dis tantôt que le mariage à l'église n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas biblique. Ok. N'avons-nous pas besoin des bénédictions dans le mariage? Est-ce que le mariage à la mairie est de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il créé le mariage si celui-ci ne peut pas être béni? Ok. Vous voyez, la bénédiction, ce qu'on appelle la bénédiction dans le mariage, ça ne vient pas parce que quelqu'un a prié pour vous. En fait, Dieu l'a déjà béni. Dieu a déjà béni le mariage, d'accord? J'espère que les gens semblent comprendre. Dieu a déjà béni le mariage. Le jour que vous rencontrez comme ça, là, vous dites que, ah, on se marie là. Vous entrez seulement là-dedans. La Bible dit, par exemple, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, béni soit Dieu le Père, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, célestes. Alors, à quel moment il a béni? On dit qu'il nous a béni en Christ. Il nous a élus avant la fin du monde. Tu souffres dans le péché. Tu réalises, tu entres seulement là-dedans. C'est là disposé depuis. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme impose la main ou bavarde les histoires qu'il bavarde là. Il fait comme ça parce qu'il y a le vin rouge à côté. Ce n'est pas parce qu'il bavarde comme ça que tu es béni, que le mariage est béni. Le mariage a été déjà béni. C'est la première des institutions que Dieu a instituées. Il a béni le mariage. Amen. Alors, et la Bible déclare maintenant que on ne peut pas bénir, on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Ce n'est pas possible. Comment vous pouvez désunir? Comment vous pouvez maudire? C'est déjà scellé. Maintenant, il faut que ça soit la vraie. Il faut que ça soit la vraie. Il faut que ça soit charnel. Alors, il dit, la personne dit, c'est Estelle. Je sais que je réponds à ça parce que ça peut être la même question là, quelque part. Il dit, est-ce que le mariage, dans la bénédiction, le mariage est déjà béni? C'est où? Cette habitude-là qu'on a de faire, le pasteur fait des choses là-bas avec des trucs solennels. On vous met sous une alliance. On a tellement habitué parce que si on voit ça se passe autrement. En fait, je vais dire maintenant aux jeunes soeurs qui sont là-bas, vous ferez mieux de laisser votre mari utiliser l'argent là pour aller à la maison. Ces choses-là que vous voulez, que le robe de mariage, ça sort d'où? Le robe de mariage de quoi? Hein, mon frère? Le frère là, comme ça, il se débrouille. Vous voulez que non, ne faites pas de telles choses. D'accord? Non. Non. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Ah, le frère, après, il semble ne pas être d'accord. Exprime-toi, frère, devant les frères, s'il te plaît. En fait, je ne suis pas d'accord avec le fait que vous dites la robe de mariage 110 000. Si j'ai le moyen, je vais acheter même 1 million. Ah, mais après, c'est pour le frère. Frère, si tu es dans marié, c'est bien. S'il n'est pas encore marié, vous observez seulement. Mais ce que je voulais dire, c'est que ne primez pas le frère. Ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'on a déjà copié des modèles juste à ce qu'on croit que c'est automatique que ça se passe ainsi. Ce qui fait que quand le frère dit que ce n'est pas comme ça, il dit que mieux pas. Ou c'est pas à cause de la robe, c'est la robe qui va marier. Amen. Donc on dit, est-ce que le mariage à la mairie est de Dieu? Ce n'est pas le mariage à la mairie. Ah, vous ne vous mariez pas à la mairie. Voilà encore une autre surprise là. Ce n'est pas à la mairie que vous vous mariez. À la mairie, vous faites vos bêtises là pour reconnaître sur l'autorité là-bas au sol là que vous êtes marié. Pour que s'il y a un problème de quoi par rapport à votre truc terrestre ici, que vous ayez des problèmes, vous aurez des défenses de la loi. C'est la loi. Vous pensez que David s'est marié avec Abigail, ils ont aussi dans quel mari, dans quelle mairie? Hein, bien aimé. Tu fais ton choix. Et il y a quelqu'un qui a posé une question. Attendez, si vous permettez-moi de glisser quelque part, il y a la question là d'une jeune soeur. Je suis sûr que c'est une ancienne apostolique qu'on a frustrée. Ça concerne le mariage. Écoutez bien ça. Quand une jeune fille, parce qu'elle est jeune, c'est la soeur Béatrice, je ne vais pas la désigner. Quand une jeune fille a un proposé, et le pasteur explique comment prier pour reconnaître, si c'est l'homme de sa vie, elle le fait sincèrement. Il y a révélation trois fois. La fille revient vers le pasteur et lui dit tout. Et les apostoliques et les pentecôtistes n'ont pas les mêmes doctrines. Vous voyez les choses là? Voilà, les voici. Non pas les mêmes doctrines, tout en disant que lui, pasteur, il souhaiterait que la jeune fille trouve son époux à l'église. Que faire cependant? Voilà le problème du mariage. Je pose donc la question, on se marie par amour ou par révélation? Amour. Je recommence encore, on se marie par amour ou par prophétie? Amour. Qu'est-ce que l'apostolique et le pentecôte viennent chercher dedans? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dedans? C'est le pasteur qui va aller habiter chez toi, hein? Je pose la question, répondez. C'est le pasteur qui habitera chez toi? C'est ton prophète qui habitera? Dis à ton voisin, c'est ton cœur qui doit parler. Est-ce que vous comprenez? C'est toi, tu es responsable. Écoutez, il y a deux choix dans la vie qui sont importants. Le premier choix, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce que c'est pour la vie éternelle. Maintenant, pour la toujours de cette terrestre, l'autre chose maintenant, c'est ton conjoint. Beaucoup parmi vous maintenant languissent, pleurent. Disent en eux que si c'était à recommencer, ils ne recommenceraient plus. Parce que vous avez fait le mauvais choix. Voilà pourquoi quand on dit aux jeunes soeurs, quand vous voyez mon homme venir vous fuir, il dit qu'il est jaloux parce que tu as fait un mauvais mariage. En fait, il ne comprend pas que tu connais ce qui s'est passé. Dieu a déjà séparé les ténèbres d'avec la lumière. Vous voyez? Dieu a déjà séparé les ténèbres d'avec la lumière. Tu vas bon expliquer que la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. La Bible déclare que vous êtes les fils des lumières et ils sont du ténèbre. Quand la Bible déclare que le maître, c'est-à-dire le ténèbre, n'a pas communion avec le maître, c'est-à-dire l'autre maître, la lumière, ça suppose que les enfants identiques sont ainsi. Quand tu peux épouser un mondain, son père c'est qui? Qui est-ce que ton beau-père? Il te visitera? Voilà. Applaudissez, Seigneur, pourquoi il souffre ainsi? Non, n'applaudissez pas. Vous faites me changer plutôt d'idée. Amen. Donc, cette question de mariage, c'est tellement délicat. Jeune fille, jeune garçon, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. D'accord? Ne suscitez pas la main quand elle n'est pas mûre, c'est la diarrhée. D'accord, bien-aimé? Donc, quelqu'un vient à côté de vous. Une fois qu'on a dit que vous êtes belle, à chaque fois, c'est le miroir. Le jour qu'on ne dit pas que vous êtes belle, et le frère, là, il a changé d'avis. Il a commencé à saluer une autre. Vous pensez qu'il n'a pas là-bas. Quand la personne, tu aimes, si c'est Béatrice se trouve dans cette salle-ci, Sœur Béatrice ne te décourage pas. Si tu penses que la personne part maintenant saluer une personne qui met le rouge à lèvres, ne t'inquiète pas. Si vous écoutez encore, jeune fille, si vous mettez le rouge à lèvres pour être belle, le jour où vous allez dormir sur le lit, sans sourire, vous allez voir votre vraie beauté. Soyez naturel. Dites à ton voisin, sois naturel. Sois naturel. Vous voyez, les gens partent au miroir, ils coiffent ici, coiffent ici, coiffent ici, parce que, après, chérie, tu ne me dis pas que je suis belle. Quand tu fais ça, je te dis que tu es la plus laide des créatures. Parce que c'est l'artificiel que tu veux montrer. Soyez naturel. Naturel. Quand je rêve, c'est de toi que je rêve. Oh, la beauté. Amen. Donc, n'essayez pas de façonner. Hein? Mettre les fouilles, tu fais comme ça, parce que tu crois que c'est le stack en faisant comme ça. Il va dire, qu'est-ce qu'il va? Tu cherches les mouches. Il n'y a pas de mouches. Vous voyez, parce qu'on veut imiter. On veut imiter. Amen. Donc, la question du mariage, c'est quelque chose de délicat parce que ça a divisé beaucoup de familles. La question du mariage, c'est la relation entre deux êtres qui ont décidé par eux-mêmes de vivre pour toujours. Ça veut dire que c'est le mariage entre deux familles. Le pasteur n'a absolument, quelqu'un dit absolument, rien à voir là-dedans. C'est le père, c'est la famille qui marie leur enfant. D'accord? Ce sont les familles qui marient leur enfant, pas le pasteur. Et ça, on dit que si tu fais ton choix, viens que je le vois. Tu vois quoi sur lui? C'est toi qui vas dormir avec la personne. Les pasteurs, il y a le pasteur, c'est ça, si. S'il y a les anciens pasteurs ici, et que vous avez fait des choses là, beaucoup de personnes ont uni le mariage comme ça par intérêt. Beaucoup de personnes ont gâté le mariage. Maintenant, les faits annoncés, les gens vivent dans la fornication, on ne dit pas. C'est la fille de tel avec le gouverneur de tel. On ne dit pas. Il y a des pasteurs qui sont allés même jusqu'à pousser même leur fille chez le monde parce que son père a l'argent. Honte à toi, pasteur. Donc cette fille-ci, elle a problème. Ok, je vais dire aussi quelque chose à cette soeur Béatrice. Le fait que tu aies la révélation, maintenant, je crains que cette révélation soit la révélation charnelle. Que tu aies eu ça trois fois. Souvenez-vous, David avait la révélation qu'il faille dénombrer Israël. N'est-ce pas? Mais la parole de Dieu avait institué que Israël ne sera pas dénombré. Quand il a fini de dénombrer là, son cœur a battu, il a compris que là, il était cuit. Dieu a dit qu'il te propose seulement trois fléaux. Il choisit ta part. Vous comprenez? Donc, fais attention, ce n'est pas toute révélation, même si ça vient 100 fois. Quelqu'un vient dire que, pasteur, le gars là même, je l'ai vu comme ça là, il a porté la robe de mariée. Et puis, ok, dans ce cas, va marier, pourquoi tu veux me dire? Si tu es convaincu, tu n'as pas besoin de me demander. Vous comprenez? Quand je suis convaincu par rapport à quelque chose, je fonce. Si tu es convaincu, fonce. N'allez pas dire que c'est un pasteur qui a dit que c'est lui qui a dit que c'est mon mari. Dieu, je vous ai dit la dernière fois par rapport à votre mariage et autres là-bas. Dieu a prévu la personne à qui vous correspondez. Le vide qui est en lui ressemble à ce vide qui est en toi. Vous êtes compatible. Un peu comme le capuchon. Vous voyez la bouteille d'eau minérale là. Le capuchon de ça ne peut que suffire là-bas. Vous mettez sur la bouteille 10 litres, ça ne donnera pas. Si vous êtes 10 litres, vous avez un capuchon de 10 litres correspondant. Donc votre cœur là doit être donné à quelqu'un correspondant à votre cœur. Et si, jeune frère, si vous n'aimez pas les filles qui sont comme ça, vous voyez l'eau parce que son père a l'argent, il a l'argent. Tu vois, le jour où l'argent va finir, tu vas voir sa grandeur. Tu vas voir son poids venir. En exergue. Mariez la personne que vous aimez. Quand vous mariez la personne que vous voulez, vous aimez la personne tout simplement. Sans paramètre matériel, sans paramètre externe. Mais vous l'aimez tout simplement parce que l'amour est exprimé au travers du cœur. Amen. Donc, verset. L'autre. Ok. Dans 1 Timothée chapitre 2, j'espère que je n'ai pas sauté là. Ok. Elle avait 4 questions, cette femme-ci, Estelle. 4e question. Vous avez tantôt dit qu'il ne faut pas ajouter au naturel l'artificiel. Qu'en est-il des laits, des toilettes, des habits que nous portons? N'est-ce pas l'artificiel? Oui, c'est l'artificiel. Mais regardez très bien. L'artificiel dont je viens de parler, c'est modifier le naturel, modifier. Quand vous avez votre cils ici, là, vous commencez à modifier, vous coiffez entièrement, vous mettez les crayons sur ça, bleu ici, blanc ici, comme le drapeau brésilien là. Vous avez un problème avec Dieu. C'est vrai, je vous dis, il y a des gens qui teintent les cheveux un côté, quand ils sont blancs, ils veulent teinter plutôt en noir. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème vraiment? Ok. Par rapport au lait de toilette particulièrement, si votre lait de toilette, vous mettez le lait dans le but de décaper votre peau, vous êtes dans le faux d'après Dieu. Alors, si quelqu'un prend par exemple la Bible, vous prenez votre Bible dans le livre de Matthieu, vous pouvez noter ces passages-là. Hein? Matthieu chapitre 6, le verset 17. Et puis Jean chapitre 3. Chapitre 16, le verset 3. Dans Jean au chapitre 12, le verset 3, il s'agit de lorsque le Seigneur a été en Béthanie. D'accord? Le Seigneur a été où? On a apporté un parfum de nardos en grec. Nardos en grec. Ce sont les résines qui poussent en Inde, qui donnent des senteurs, qui permettent de faire le parfum. Oloifo, parfumé. Oloifo en grec. Donc dans Matthieu chapitre 6, le verset 17, il est dit là-bas que lorsque tu jeûnes, parfume ta tête. Parfume ta tête. D'accord? Il y a plusieurs passages qui nous montrent qu'on peut se oindre. Mais ne vous oignez pas dans l'optique de vous décaper. D'accord, bien aimé? Mettez-vous à l'aise, sentez-vous propre. Mais pas pour vous décaper. C'est ça que je viens de parler là. Quand vous prenez une huile qui décape, ça veut dire que vous voulez changer. Je suis noir. Quand tu es noir, tu n'es pas beau comme ça. Tu n'es pas belle comme ça. Pourquoi donc décaper? Si votre huile décape, alors forcément mettez ça de côté. C'est pour vous dire clairement que les parfums, vous regardez même dans Exode chapitre 28, tout chapitre 32, on parlait des parfums là-bas, la composition des parfums, n'est-ce pas bien aimé? Même dans l'Apocalypse, ça se trouve. Donc les parfums, ce n'est pas à prohiber. Mais je parle des choses qui sont artificielles, vos rouges à lèvres noires, à cirage, quoi que ce soit que vous mettez, les fards, les fers et autres là-bas. C'est de ça dont il est question. Les faux chez vous, vous prenez pour ajouter. Vous dites, Dieu, il fallait qu'il fasse comme ça. Question. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 12, il est écrit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. J'aimerais savoir si cette femme dans la projection que nous venons de voir, alors la personne écrivait ce jour-là pour dire par rapport à cette sœur-là qu'on a vue, que fait-elle? Je pose une question, répondez directement. Elle est-elle enseignée? Non. Ok. Parlant des coiffures chez la femme, devrait-elle se voiler même à la maison? Voilà. Ok. Cette question se soulève autre chose qu'il faut éclairer. Lorsqu'on dit que c'est une honte, que c'est une abomination devant Dieu pour une femme de porter le vêtement d'homme. Femme, comprenez que c'est la soumission à la parole de Dieu, pas la soumission à une assemblée. Ça veut dire qu'il faut que ça soit votre style de vie. Parce que vous n'êtes pas chrétien seulement à l'assemblée. Vous n'êtes pas chrétien seulement à l'assemblée. Vous m'aurez bien... faire comprendre cela ici. Ça veut pas dire que lorsque vous réunissez en chrétien, vous cachez votre pantalon parce qu'il y a des gens qui ont prié. Il y a une jeune fille ici, je suis en train de sentir le nom, la Manuela, nous voilà. Emmanuela. Le problème avec elle, c'est les culottes. Elle lutte avec les culottes. Emmanuela, elle. Qui est Emmanuela? Elle n'est pas là? Ah! Elle a le problème avec les culottes. Ah! Emmanuela. Le problème, c'est culottes. Elle prend comme ça, elle fait hum. Le cœur fait hum. Elle est tirée avec le cœur. Écoutez, le pantalon, allez cacher votre pantalon. Tant que c'est avec vous, vous ne vous êtes pas séparés. Vous devez faire comme les chrétiens d'Éphèse, là, dans Actes chapitre 19, qui après s'être séparés, après avoir cru au Seigneur, ont emmené leur livre, là, qui des pratiques magiques, là, et ont brûlé pour montrer que c'est la séparation définitive. Si vous mettez ça dans la moire, vous fermez la clé. Qui a fermé? Qui a la clé? Dis-toi, c'est que tu vas encore ouvrir. Vous comprenez? Dis à ton voisin, fais sortir ça de la maison. Ah, vous ne voulez pas parler. Fais sortir de la maison. Je vous ai pour montrer qu'à partir de maintenant, c'est là où vous comprendrez. Vous comprendrez la délivrance. Vous mettez là-bas. Vous pensez que peut-être quand vous venez vers les frères, vous êtes bien. Un de ces jours, un frère va vous surprendre de façon inopinée. Ah, la sœur est en culotte. Vous ne portez pas ça devant un homme, ni pour quoi que ce soit. Et Dieu n'a pas dit au milieu de l'assemblée, je ne veux pas que la femme, les femmes ne portent pas de vêtements d'homme. D'accord? Il n'a pas dit ça. Il a dit tout simplement que la femme ne doit pas le faire. Ça suppose que tu sois à la maison, que tu sois n'importe où, tu ne dois tout simplement pas le faire. D'accord, bien-aimé? Donc, il faut que ça soit clair. Si aujourd'hui vous rentrez, vous dites que, ah, je l'ai dit devant vous maintenant, je suis clair devant Dieu. Si tu sors ici, en venant chaque dimanche, on te voit en cabane comme l'ange dont la sœur a parlé, la couverte de la plante des pieds jusqu'à la tête. Après, quand tu te vois avec les chaînes au pied, tu commences à faire comme ça là. C'est que c'est ton problème, je vous ai dit. Ok, cette sœur s'est dit, parlant des coiffures chez la femme. Donc, il y a un document, je ne sais pas, si on se rencontre sous un autre programme, on va vous donner ces documents par rapport aux vêtements. Il faut que vous connaissiez les différents types de vêtements. Parce que beaucoup de personnes posent la question, j'ai cru voir la question ici. 22 seins, où est-ce qu'on a dit pantalon? Il vous faut vraiment, non pas la délivrance ici, la connaissance de la parole. Donc, on va mettre à votre disposition, il faut que vous voyez comment les vêtements ont évolué, d'accord? Si vous comprenez seulement d'où les choses s'y viennent, vous fuirez tout simplement. Un peu comme on a dénoncé les choses dans l'église comme ça là. Voilà pourquoi on prend la peine d'aller dans la source pour prendre, pour voir comment il y a une modification. Juste à introduire cela. Donc, on va mettre à votre disposition les vêtements, l'enseignement sur les vêtements et autres, les différentes. Il y a quelqu'un qui a dit que le frère, dans une question ici, que le frère a parlé de, que le, c'est un écossais qui a introduit les vêtements sacerdotal. Et il demande que comprendre Exode chapitre 35. Dis à ton voisin, il n'est pas dans l'église. Vous voyez, il n'a pas compris. Le frère est en train de développer que je peux montrer clairement que ces choses-là, c'est les vêtements qu'on révèle là, chez les choristes, chez les gens et aux différentes classes, permettent directement la distinction entre un clergé et une partie de la population. Vous voyez cela? Ça ne doit pas être ainsi. Et il a bien expliqué, c'est en disant que Jésus, les apôtres, que ce soit les disciples, n'avaient pas de vêtements spéciaux pour se faire distinguer d'après les autres, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a été dit. Mais maintenant, comment quelqu'un peut prendre quelque chose dans Exode? Oui, voilà pourquoi on va prendre les passages des Écritures, on vous fait présenter cela sur un autre jour. Voilà pourquoi les gens vont dire que dans l'argent, on a dit qu'amenez tous les choses, laissez votre maison sans être construite et donnez l'argent pour qu'on construise la maison de l'Éternel. D'accord? Dis à ton voisin, la maison, c'est toi. Que Salomon a bâti le temple, il faut aussi bâtir le temple de l'Éternel. C'est hors contexte parce que nous parlons de l'Église. Quand nous parlons de l'Église, il faut que nous voyons de telles choses ordonnées à l'Église. Tout le monde comprend? Alors, le problème maintenant, c'est que, comme le disait Exode chapitre 35, où on parle des vêtements des sacrificateurs et autres là-bas, les efforts qu'on devait porter, les franges qui devaient être mises sur les vêtements des sacrificateurs. J'espère qu'il ne va pas très vite, bien aimé. Si il va trop vite, vous dites, mais ralentissez. Donc, vous avez ça sur le cœur. Pour aller dire que ce qui m'énerve sur eux, c'est qu'ils parlent vite. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que les vêtements dont il était question, ça correspondait. Écoutez bien, s'il vous plaît, sinon vous allez manquer ça. Les vêtements dont il était question dans le livre d'Exode correspondaient à un sacerdoce. Dans votre Bible, là, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il est fait référence de trois types de sacerdoces. Il y a le premier qui est le sacerdoce lévitique. Ce sont les fils d'Aaron. Donc si ton pasteur portait les gants comme ça, dit tu es de quel descendant d'Aaron? Amen. C'est seulement les lévites. Est-il lévite? Ces lévites-là ne devaient pas avoir de possession. Votre pasteur, il a les champs, les voitures et autres, n'est-ce pas, bien-aimé? Hein? Quand il quitte son temple, il ferme, il va chez lui, non? N'est-ce pas? Il a son terrain, il veut même se vanter que Dieu l'a béni avec un terrain vrai. Les lévites, eux, ne devaient pas avoir de terrain. Vous comprenez? Il y a le sacerdoce mandianite. Ça, le souverain sacrificateur là-bas, c'est Jethro. Là-bas, on organise les choses. Vous avez vu cela? Quand il vient maintenant pour s'infiltrer dans le sacerdoce lévitique, il lui dit, ah, et si tu agis mal, tu vas t'épuiser. Voici comment il faut faire, il faut répartir les tâches. Vous comprenez cela? Voilà le deuxième sacerdoce. Il y en a un troisième maintenant qui est introduit par Melchisedec. Quelqu'un dit Melchisedec. Dis à ton voisin, dans ces sacerdoces, nous tous, nous sommes sacrés. Il n'y a pas de vêtements distinctifs. C'est ça le problème. Donc, quand on ne connaît pas sur quel sacerdoce on est, on commence à mélanger les choses. Les gens ont pris des sacerdoces lévitiques, ils ont imposé à l'église. C'est ça que le frère tentait de dénoncer, que initialement, à l'église, il n'y a pas un vêtement imposé. Mais on a pris ce qui était sous Moïse, en disant qu'on devait revêtir les fils. En fait, ils sont même dans la désobéissance, en voulant obéir. Parce que d'autres portent les noirs comme les moundans, d'autres portent les rouges comme les chefs de gourou. Pourtant, la Bible parle de l'effort, avec les franges sur les vêtements, bien déterminés. Le sacrificateur devait avoir ses reins saints avec un style de ceinture pour montrer clairement qu'ils sont au service de Jésus. N'est-ce pas, bien aimé? Est-ce que les différents franges qu'ils font là, c'est exactement ce qui est décrit là-bas? Donc, s'ils veulent obéir, qu'ils le font exactement. N'est-ce pas, bien aimé? En fait, si vous lisez Exode chapitre 38, verset 42, on parle des caleçons qu'on avait coudus jusqu'ici. Ils le portent. Hein, bien aimé? On a dit que ça partira depuis le rein jusqu'aux cuisses. C'est ce qui est écrit là, non? Dans votre Exode. Lisez et faites attention. Alléluia! Donc, ne confond pas les sacerdoces. Dis à ton voisin, ne confond pas les sacerdoces. Le fait qu'on n'ait pas expliqué ça aux gens, c'est ça qui a fait que les gens prêchent un peu par-ci, un peu par-là. Vous souvenez-vous, je vous ai parlé dans Exode chapitre 28, verset 11, on a dit c'est un peu par-ci, un peu par-là, les préceptes. Voilà, toutes les tables sont pleines de vomissures. C'est de ça qu'il est question. On prend un peu ici chez Aaron. On prend un peu. Ils ne sont pas fils, ils ne sont pas lévites. Vous voyez, ils ne sont pas lévites. Et ceci implique encore l'autre, la question du sabbat dont celle-là parlait. On va toucher ça maintenant. Parlant des coiffures chez la femme, devrait-elle se voiler même à la maison? La Bible a dit ceci. Il faut qu'on le dise seulement ce que la Bible a dit. La Bible a dit que si une femme prie ou prophétise, la tête non voilée désonore son chef. Ça veut dire que le foulard lui est imposé en quel moment? Quand elle prie ou quand elle prophétise, c'est ce qui nous est ordonné. On reste là. Si elle a la maison avec ça. Écoutez, la Bible dit que la chevelure lui a été donnée. Elle est la gloire de l'homme, n'est-ce pas? Quand l'homme doit parcourir ses cheveux comme ça, là, il doit dire, oh, la gazelle pleine de grâce. Que l'Éternel t'a tourné comme le pharaon des biches. Vous voyez, en touchant comme ça, il va jouir de sa femme. C'est ce que la Bible déclare dans le proverbe de la Bible, cantique des cantiques. Dans ses chevelures, là, lui a été donné pour que la gloire de son mari soit manifeste. Mais maintenant, au milieu de l'assemblée, à quelque endroit que ce soit, pas seulement à l'assemblée, si elle veut prier ou prophétiser, il faut qu'elle se voile. Si c'est une spiritus sanctus, cette sœur-là, qui prie en tout moment, il faut qu'elle se voile à tout. Voilà. Oui. C'est ce que la Bible nous ordonne. Oui. Oui. On ne peut pas interpréter autrement. On a dit que s'il est. C'est pour ça que, bien aimé, si vous travaillez, ne me faites pas dire ce qu'il ne veut pas dire pour qu'il impose aux gens les choses au Saint-Esprit. Il ne peut pas mettre quelque chose de jour que le Saint-Esprit n'a pas imposé. On a dit si une femme prie ou prophétise la tête non voilée, elle déshonore son chef. Donc ça veut dire que pour qu'elle prie ou qu'elle prophétise, il faut qu'elle la tête soit voilée. Si elle est au milieu de l'assemblée, elle ne veut pas prier. Qu'elle reste comme ça si elle veut. Si vous voulez montrer coiffure Rihanna. Ok. Comment? C'est pour ça qu'elle dit que si elle est une spiritus sanctus et qu'elle prie sans cesse, qu'elle se voile constamment. Oui. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Vous dites qu'au moment où elle ne prie pas, elle peut rester sans la tête voilée, c'est ça? Donc ça veut dire qu'elle peut aller au culte sans voiler sa tête. Si il va sans prier. On ne peut pas aller au culte sans prier. Dans ce cas, voile-toi. Alléluia. C'est simple. En fait, vous voyez, cette tournure-là, c'est pour esquiver, mais en fait, on tombe toujours là-dedans. Je ne voudrais pas sortir ça de ma bouche. Ok, autre question. Ça, c'est le frère Gaston. Nous sommes bénis les uns les autres, n'est-ce pas, bien-aimés? Mm-hmm. Si tu viens à l'église et que tu ne veux pas prier, qu'est-ce que tu viens faire? Est-ce que les prêtres sont conscients de ce qu'ils font? C'est de la fausse manière de conduire le peuple de Dieu. Est-ce que les prêtres sont... C'est pas moi qui parle, c'est ici, c'est Gaston. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Est-ce que les prêtres sont... Ça veut dire que d'après tout ce qu'on a exposé, le frère est conscient que c'est les prêtres qui sont le problème. Est-ce que les prêtres sont conscients de ce qu'ils font, c'est-à-dire de la fausse manière de conduire le peuple de Dieu? Oui. Ok. Ils sont conscients. La Bible déclare que tout ce qui est ténèbre est ténèbre. En fait, la majorité d'entre eux, après avoir fait 12 ans de théologie, ne lisent même pas la Bible. On les apprend la psychologie, la philosophie, la lettre. Vous voyez, oui, ils parlent bien, avec des langages bien et bien lavés. Vous voyez cela? Ils savent. En fait, tu ne peux pas aller au séminaire. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire ici. Ils passent par les cimetières. Quel rapport y a-t-il entre les morts et les vivants? La Bible déclare clairement que quiconque invoque les morts, Dieu va les détruire, n'est-ce pas? Ils savent. Ils savent parce que... Il y a des livres qu'on a écrits qu'ils ont en leur possession. Donc, ils prêtent serment en disant, faisant allégeance. En fait, c'est une secte. Comme une tasse de secte, là, maintenant, je remets. On dit, si oui, pourquoi s'engagent-ils? Parce qu'ils aiment la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. En fait, je vous donne l'histoire où un pasteur m'a raconté ici. Ça s'est passé ici, dans le littoral. Voilà un prêtre qui est passé avec sa voiture. Le pasteur a marché parce que les chaussures sont tordues comme ça. Le prêtre de la voiture climatisée avait sa longue robe bien fraîche parce qu'il dort dans la climatisation. Son bureau est climatisé, sa voiture est climatisée. Le pasteur marche comme ça là. Lui-même est dans son mini Babylon, il souffle là-bas. Celui-là est dans la grappe. Voilà pourquoi ne souffrez pas pour rien, bien-aimé. Vous voulez jouer la vie, allez jouer la vie tranquillement, vous allez en enfer. Vous voulez servir Jésus, entrez par la porte étroite et souffrez pour Jésus. Amen. Le pasteur là, il souffre comme ça dans sa petite Babylone. Oui. Le prêtre l'a vu, il a baissé la vie comme ça, en regardant ici de cette direction. Il dit, quand vous avez dit de ne pas donner la Bible aux enfants, là, vous avez donné la Bible. Que voilà, maintenant, voilà la conséquence sur toi. Donc, en fait, chez eux, ils cachent la Bible. Voilà pourquoi tu vas parler avec de cette dénomination catholique. Tu vas parler que, attends, tu demandes à la Bible, il dit, non, laisse parler. Ils ont peur de la Bible. J'ai dit à l'autre de lire, elle a lu le chapitre 1, chapitre 2, elle a fermé, elle dit que non, ça l'effraie. Ça montre ton état clairement, là où tu vas aller. Amen. Donc, ils savent clairement. La Bible, Jésus a dit quoi? Laisse les aveugles conduire où? Les aveugles, n'est-ce pas? Si l'aveugle tombe dans le trou, si c'est un aveugle d'ailleurs et qu'il y a un fossé, il ira où? Un prêtre avait même dit que, l'autre lui a posé la question, que tu crois que tu es sauvé? Il dit que, mais, s'il voit la porte, il vous pousse d'abord en entrée. Et curieusement, dimanche prochain, lui, il vient toujours là-bas. Il dit que si oui, s'ils savent donc comme ça, pourquoi s'engage-t-il? Sur quoi compte-t-il? Il compte sur la vie ici, mon frère. Ou sur qui? Il compte sur Satan. Sinon, pourquoi? Je ne sais pas dans ces cas-là. Veut-il? Veut-il vraiment aller en enfer? Sinon, je ne comprends pas. Puisque la Bible dit le contraire. C'est moi, je suis le lit ici. Il veut forcément aller en enfer. Si les gens veulent fonctionner hors de la parole de Dieu, c'est, quelle est la destination? Enfin, il veut y aller. Combien de fois, bien-aimé, combien de fois le Seigneur, mon Dieu, a voulu récupérer cette église-là? Combien de fois? Combien de fois? Et c'est écrit dans les Écritures. Il dit, je lui ai donné le temps pour se repentir. Elle ne veut pas se repentir. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 2. Je lui ai donné du temps pour se repentir. Elle ne veut pas se repentir. Il dit, voici, je vais la jeter. Je vais lui envoyer une grande tribulation sur elle. Et à tous ceux qui commettent fornication avec elle. Jébec. Christ, quoi que vous pouvez en ne me pas que non. Ceux qui commettent fornication. Fornication, ça veut dire que c'est un acte d'infidélité. L'infidélité vis-à-vis d'un certain engagement qu'on a pris initialement. Ton engagement a été scellé dans le sang de Jésus. C'est seulement Jésus-Christ qui est ton époux. C'est à lui que vous devez être fidèle. Ne communiez pas avec les démons, bien-aimés. Ils savent d'où ils vont. Ils ont vendu leur âme au diable. Et le prix de cela, où vous allez mercredi sans en mettre les trucs là-bas sur votre face. Les morts, ils seront comme ça. Et une nuit, j'ai passé une autre femme avec les rameaux là, fête des rameaux. Elle était dans l'obscurité, on appuyait sur le poteau. Les fêtes des rameaux étaient entre ses mains. Ou peut-être ils le font inconsciemment. Il dit, il est étonné, le frère, est-ce que le frère Gaston est ici? Le voici, il est étonné parce qu'en fait, c'est vrai, il dit que clairement, ça va être un ex-catholique, il connaît les gens à l'intérieur, il est surpris, il veut qu'on les sauve. On n'a pas le pouvoir de sauver. La parole est adressée. La parole est disponible pour tout le monde. Regardez bien, pour que vous compreniez la chose qui est difficile. C'est parce qu'on voit l'ex-catholique commencer, de toute façon, que vous le voulez, non, il ne peut pas se repentir, parce que c'est ce qui crée le sujet. Voilà pourquoi Dieu va envoyer le message pour sortir les gens de temps en temps. C'est un peuple qui s'y trouve. Cette chose, comme il ne peut pas se repentir, tu vas me prochain pasteur. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il ne cassera pas sa dénomination. Le frère, là, il pose la question. Ils le font inconsciemment. Il faut les mettre. Ou peut-être ils le font inconsciemment. Il faut les mettre sur la voie. Ce n'est pas inconscient, frère. Vois, s'il vous plaît. C'est pas moi. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Remarquez bien que comme on a monté Benny Hinn ici avec les autres, qui sont encore les gens. D'autres sont allés jusqu'à déclarer en disant que Martin Luther, erreur. Les pentecôtistes sont allés dire comme ça au pape que, pardon Martin Luther, que la réforme était un malentendu. Voilà pourquoi ils se vantent en disant que, n'est-ce pas, ils sont sortis, ils sont encore revenus. La chienne, la truie, la vis est encore allée, c'est boudé ou quoi? Dans la boue. Et le chien est retourné à ce qu'il avait. Nous y voilà. Fais attention de même au gamin pour toi. Est-il permis seulement aux femmes âgées d'enseigner les jeunes femmes? Oui, c'est ce que la Bible dit. Si la personne n'a pas signé. Qui a posé la question? C'est ceci. Est-il permis seulement aux femmes âgées d'enseigner les jeunes femmes? En fait, la Bible nous montre, quand nous lisons la Bible, nous n'en discutons pas. Dans le livre vous allez comprendre pourquoi. Dans le livre de Tite au chapitre 2, le verset 3, il est écrit. Dites, vas-y, c'est ce qu'il ordonne. Il dit, dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. En fait, ça, voilà l'indication pour que vous compreniez ce que Dieu veut dire. Vous dites, femmes âgées doivent aussi. Quelqu'un dit, doit aussi. Dites à ton voisin, Dieu ne regarde pas seulement au cœur, mais aussi à l'extérieur. Voilà. Quand vous voyez maman en route, elle dit que je ne suis pas vieille. C'est légitime. Tu dis, salut maman, dit, qui est maman? Vous comprenez, elle fuit avec la vieillesse, mais ça va la poursuivre. Maintenant, elle commence à s'habiller avec ces choses comme les spaghettis, là, vous voyez le saucisson. Elle se serre le corps, Vous pensez quelle éducation donnera à son enfant? J'ai vu une comme ça, elle était venue comme ça, carrément en culotte, avec les strings comme ça, là. Une petite fille, peut-être 14 ans. Elle dit que, mademoiselle, tu es mal habillée. Elle dit, ma mère n'a pas dit ça. C'était réglé, c'est l'éducation que sa mère donne, je n'ai plus autorité. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'exemple doit venir d'en haut. La femme âgée, toute maman, si vous voyez... En entrant dans une maison, je peux savoir si cette maman donne une bonne éducation à la jeune fille. En entrant dans une maison, sans prier, bien aimé. Et en regardant les enfants, je peux savoir quelle éducation donne aux enfants à l'intérieur. Si cette personne-là aime vraiment le Seigneur, si cette maison-là a le souci à ce que ses enfants soient sauvés. Parce que si vous inculquez dès la jeunesse, l'extérieur ne peut pas les corrompre. Dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. S'habiller d'une façon sainte, des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc si tu sais Dieu, tu es une femme âgée, tu dois bien t'habiller. Maintenant, quand tu vas bien t'habiller, tu peux donner donc un enseignement digne à une jeune fille. Et si tu es bien habillé, comment sera la jeune fille? Bien habillée. Voilà pourquoi on a touché les femmes âgées. Amen. Vous devez dire clairement que cet habillement, ce n'est pas bien, ce n'est pas comme ça. Il est dans l'optique de donner les enseignements pour comment aimer leur mari. Si cela est toujours mettre de... J'ai entendu une femme dire, regarde, tu t'habilles comme une vieille femme. Que regarde, tu t'habilles comme une grande, mais mets-toi en valeur. Hey! Que mets-toi en valeur. Bon, laisser là, c'est à vendre. Non! On doit dire, couvre cela. Un peu comme dans ce livre de Genèse, chapitre 24, le verset 65, nous avons vu. Quand Rebecca a vu son homme, elle a fait quoi? C'est couvert. Il va découvrir. S'il mange là maintenant, il te voit, il va se lasser. Vous avez toute la vie où? Donc pour l'autre, il fait venir me voir clairement, il lui donne le conseil. Il, c'est plus fort que moi. Il faut goûter à la sauce. Il va goûter. Elle allait goûter, elle est tombée enceinte. Le garçon dit que je ne veux plus. Maintenant, qui a à souffrir? Si la personne t'aime, elle va tenir ferme. Il vient pour cela. S'il vient pour cela, c'est un nonchalant. C'est un mendiant de derrière. Vous comprenez bien aimé? Ce qu'il faut faire, c'est ceci. Garde-toi dans la sainteté. Attends l'homme que Dieu t'a donné. S'il vient, il a besoin que goûtons, on est déjà accepté. Les deux familles nous connaissent. C'est un maradroit. Quand il va finir, il va dire que je ne l'aime plus. Elle ne l'aime pas. C'est toi, l'histoire que tu as présentée, qu'elle aime. Si vous cachez, il va vouloir découvrir. C'est les devinettes. Qu'est-ce qu'il peut avoir dedans? Qu'est-ce qu'il peut avoir dedans? Si tu vas avoir dedans, viens m'acheter d'abord. Qu'est-ce qu'il peut avoir dedans? C'est comme ça que ça doit se passer. Alléluia. Ne faites pas de telles choses. Ne vous vendez pas pour rien. Vous êtes les filles du Très-Haut. Vous êtes les filles du Très-Haut. Regardez, le monde est vulgaire. Vous pensez que, il y a trop de... Ma part va venir, mon mari va venir d'où? Vous vous sous-estimez. Il y a un homme prévu pour vous. D'accord? Mettez dans la condition de ceux de Dieu, les problèmes qui les arrivent vont vous arriver. Si vous dites, il faut s'exposer pour avoir le mari. Pourquoi les garçons me draguent comme ça? Ils vont draguer comme ils draguent parce que tu fais la même chose qu'ils font. Tu te caches. Les gens vont commencer à dire, cette autre personne, qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est ça qui va les attirer, la sainteté. Quand est-ce des femmes célibataires, qu'elles apprennent des vieilles? Ayant suivi la conférence et étant convaincu, si quelqu'un, entre guillemets un pasteur, étant déjà affilié au conseil œcuménique, décide de se repentir, quelle est la démarche à suivre? Quel conseil lui donnez-vous? Ok. Parce que si, par exemple, il y a un pasteur protestant ici à l'intérieur, je vais d'abord lui demander, pasteur, cesse de protester. Vous voyez? Simple. Il n'y a pas de protestation dans le corps de Christ. Si c'est un pasteur qui s'est affilié au conseil œcuménique, alors il fait comme le frère Olivier a dit qu'il a fait. Il est venu au milieu de l'assemblée. Il a dit, j'étais maladroit. J'ai compris la vérité. Voici la direction. Vous comprenez bien aimé? C'est-à-dire qu'il faut dire la vérité aux brebis. Ne sauve pas ta tête en laissant les gens à l'intérieur. Parce que quand tu viens, tu portes ton dos. Puisqu'ils sont exactement comme ça dans cet ordre-là. Il faut casser toutes ces choses-là. Vous voyez, je vais vous dire maintenant ce qui se cache derrière. C'est parce que le confort, c'est qu'il... Beaucoup savent qu'en donnant leur vie à Jésus-Christ, Jésus qui va basculer tous les biens qu'ils ont pris de façon malhonnête. Ils savent, c'est pour ça qu'ils ont peur. L'autre a dit que c'est Jésus là qui rend les gens pauvres, là, ils ne viennent pas là-bas. Parce que Jésus veut enlever tout ce qu'ils ont obtenu malhonnêtement. Et maintenant, commencer à donner. Il ne veut pas passer par ce désert-là. Il dit zéro. Donc, bien aimé, encore qui a posé la question que comment on les a avertis. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas sortir, tout simplement parce qu'ils ont un confort. Satan les a attrapés. On paye leur loyer, leur maison. Ils logent dans le presbytérium. On ne sait pas comment vous appelez cela. Leur femme. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas cesser la fête de l'école. Parce que c'est avec ça qu'il faut qu'ils se nourrissent. Vous comprenez? L'autre, il y a une femme qui est venue me voir comme ça, elle avait son cou avait gonflé comme ça. Et dès qu'elle a pris une grosse banane comme ça au champ, elle a donné pour la fête de récolte. Il dit, tu partais d'abord où? Le pasteur a dit que c'est seulement ça que tu apportes. Elle a été choquée. Il dit, il faut qu'on vous choque comme ça. Le Saint-Esprit va créer les trucs sortis. Vous comprenez? Alors, les pasteurs là sont dans le confort depuis pour toujours. Tu vas le dire comme ça. Il regarde comme ça, le dîme. Zofran. Comment on appelle ça encore? Fête de récolte. Tu veux dire que je ne fais pas ça et je veux vivre comment? Vous voyez, il est captivé. Si vous vivez comme Dieu a demandé que vous vivez, il va vous soutenir. D'accord, bien aimé? Ne vivez pas sur les poches des gens ni quoi que ce soit. Dieu est capable de pouvoir vos besoins. Quand il a envoyé ses disciples dans Matthieu chapitre 10, Il leur a dit, allez deux à deux, ne prenez ni sac, n'est-ce pas, ni vivre. Après, quand ils sont rentrés, il leur a demandé, quand vous êtes partis sans rien prendre là, avez-vous manqué de quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Pourquoi donc avoir de telles pensées? Donc, bien aimé, on va seulement leur dire, essayer de partir, de dire la vérité au brebis. Il y a les diaconesses qui sont souvent au service, à table, le moment de la Sainte Cène. Que dites-vous d'elles? Elles ne doivent pas y être. Que dites-vous des livres, des chants, des hymnes, et louanges, cantiques, des chants, victoires? Bref, tout ce qui concerne la louange dans les livrets. Ce n'est pas les livrets dont il est question. Quand nous parlions ici, nous parlions de la séparation d'un corps au milieu de l'église qui est spécialiste en chant. Ce n'est pas le chant dont il est question. D'accord? Ce n'est pas du chant dont il est question. Vos chants de victoire, vous pouvez chanter en assemblée parce que chaque personne a son cantique. Vous chantez. Vous comprenez bien aimé. Maintenant, je reviens sur le cas de la Sainte Cène là. Ok. Le véritable problème, c'est que malheureusement, la majorité des saints, si non pas l'entière, que vous avez tous célébré, n'est pas scripturaire. Donc, ça veut dire qu'ils faisaient comme ça le service du Satan. C'est que je reconnais ça. Parce qu'en fait, si vous voulez célébrer la Sainte Cène véritablement, il faut qu'il y ait une coupe. Il n'y a pas besoin de diaconesse pour qu'il passe les coupes. Tout le monde comprend? C'est la coupe qui doit y être, pas les coupes. Maintenant, quand il y a les coupes, il faut qu'il y ait des gens qui vont distribuer ces coupes-là. Tout le monde comprend ce qu'il veut dire. Conséquence, il faut qu'il y ait des gens, on trouve maintenant des gens qui vont faire. La Bible déclare qu'on prie, que Jésus prie la coupe, pas les coupes. Donc les petits électrons, les petits gobelets que vous avez là-bas, ça ne doit pas savoir sa place au milieu de la Sainte Cène. Il y a une seule coupe où on verse, un seul père où on dépose. Par exemple, supposons que nous soyons dans l'assemblée, vous êtes assis comme ça là. Après, quand je prends la coupe, si c'est moi qui officie, parce qu'il faut qu'il y ait un officiant. Si vous lisez, pour ceux qui ont le livre de votre parole vivante, si vous avez la version parole vivante de votre Bible, si vous avez la version parole vivante, vous lisez là où on parle de la Sainte Cène, lisez l'indication qu'on dit en bas, où Justin Marty a parlé, a fait référence à cela. Que l'officiant, celui qui présidait la Sainte Cène, après avoir pris la coupe, donnait au frère qui était à côté de lui. Le frère en prenait, en donnant à l'autre, on circulait ainsi. Tout le monde comprend? Après, on faisait parcourir jusqu'à ce que toute l'assemblée ait bu. C'est un moment solennel où on se souvient du sang qui a été versé pour nous. D'accord, bien-aimé? Maintenant, après cela, il y a ce qu'on appelle le Saint Baiser. Le Saint Baiser, c'est pas que waouh, ma sœur, parce qu'il y a la convoitise là-bas. On sait que bénis-moi, on ne bénit pas avec les saints. D'accord? Le Saint Baiser, quand vous lisez votre Bible dans Romains chapitre 17, verset 15, on dit par exemple que salut ou pas un Saint Baiser. Les gens disent que Dieu, Paul a dit qu'on se sauve. Il ne s'agit pas comme ça. Au moment de la Sainte Cène, dont Justin Martin nous raconte effectivement ce qui s'est passé au premier siècle. Les frères étaient assis ici, les uns, et puis les soeurs étaient de l'autre côté. Le frère qui est officier faisait un bisou. Lève-toi, mon bien-aimé. Vous allez voir des scandales ici, c'est votre problème. Toi aussi, lève-toi, bien-aimé. Frère, lève-toi aussi. Oui, wow, il y a des frères là-bas. Voilà, c'est bien ça. Lève-toi jusqu'ici, lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, ici, lève-toi. Pour que vous voyez comment ça se passe, le Saint-Baiser, d'accord, bien-aimé? Le Saint-Baiser. Ça va vous scandaliser, mais c'est comme ça. Alors, quand celui qui est officier, au milieu de la Sainte-Cène, quand il finit la Sainte-Cène, ah, mon frère, si mon frère, non? Alléluia. Voilà comment ça s'est passé. Ah, vas-y. Oui, wonderful. Voilà. Allez, transmets. Ah, bah, venez vous asseoir. Voilà. Vas-y. Oui, celui qui transmet. Voilà. Non, ne vous asseyez pas. Non, tout le monde s'assoit sauf celui-ci. Tenez-toi. Venez t'asseoir. Voilà. Pourquoi j'ai pris jusqu'à là-bas? Parce qu'à côté de lui, il y a une femme. Vous voyez, bien aimé, voilà pourquoi les femmes s'asseyaient de leur côté. Pour ceux ici, pardon, ces soeurs, je lui fais un mot. Cela fait un jusqu'à ce que la dernière soeur. Vous comprenez? Maintenant, ça veut dire que si ce frère-ci est assis à côté d'une soeur, elle ne la salue pas. Celle-ci commence à continuer seulement avec d'autres soeurs. Voilà votre Saint Baiser. Venez vous asseoir. D'accord? Voilà comment le Saint Baiser s'est passé. Il y a le paganisme entré dans l'église. Que ma soeur, on a dit que le Saint Baiser, c'est ici. Ça vous surprend qu'on bise? Voilà Judas qui allait faire bisous à Jésus, pas vrai? Ça ne vous surprend pas parce que c'est dans la coutume. Elle a fait gros bisous. Et puisque les deux sont liés, elle parle de cantique. Si vous lisez votre Matthieu chapitre 26, le verset 30, la Bible déclare qu'après que Jésus-Christ ait chanté, ait fait la Sainte Cène, ils ont chanté des cantiques, des psaumes, n'est-ce pas? Ils lisaient notamment les psaumes 116 jusqu'à 118, si je me trompe. 136 également. Chanter des cantiques, ils applaudissaient. Le problème, c'est qu'il faut que les cantiques soient chantés par tout le monde. C'est tout le peuple qui va s'élever vers Dieu. Chanter de tout votre cœur, célébrer de tout votre cœur. Le Seigneur, alléluia. C'est pas qu'il y a un spécialiste qui chante, dit, wow, la sœur, elle chante bien. Conséquent, on vient la draguer parce que à cause de sa voix. Ok. Wow, ça finit bientôt là. Hein? Ok. Bien-aimé, bonsoir. Entre offrande, dîme et offrit aux veuves et aux démunis à l'église. Qu'est-ce que, d'après vous, la Bible autorise? Je recommence. Bon, il n'y a plus. Bien-aimé, bonsoir. Entre offrande, dîme et offrit aux veuves et aux démunis à l'église. Qu'est-ce que, d'après vous, la Bible autorise? Alors, il faut que je relise encore ça pour bien saisir moi-même. Bien-aimé, bonsoir. Entre offrande, dîme et offrit aux veuves et aux démunis à l'église. Qu'est-ce que, d'après vous, la Bible autorise? Bon, dans cette liste-ci, éloignons d'abord la dîme, d'accord? Éloignons d'abord la dîme. La dîme n'est pas d'actualité dans l'église. La dîme n'est pas ordonnée à l'église. Donc, si tu es ici, tu prenais les dîmes voleurs. Les frères ne disent plus amen. Si vous faisiez cela, que vous êtes ici, sachez que c'est pour cela que le Seigneur vous a amené ici, que vous ne preniez plus cela. Parce que vous allez rendre compte. Parce que c'est dit que sont les gens de la tribu. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, qu'on parlait des sacerdotes, ceux qui étaient des lévites, puisqu'on parle de ceux qui collectionnent, sans citer les autres trois types de dîmes, ce sont les lévites qui devaient collecter ça, parce qu'ils n'avaient pas de possession. En Israël, ils avaient été mis à part. Pour cette tâche-là, ils devaient se consacrer, ils devaient se nourrir des choses de temps. Et il ne s'agissait même pas d'argent, il s'agissait de nourriture. Vous comprenez bien aimé? Donc la dîme, ce n'est pas pour une ordonnance pour l'église. Il y a un enseignement là-bas écrit audio. Vous pouvez en prendre. Ok, maintenant, offrande entre offrir à l'église et offrir aux veuves et aux démunis. J'espère que c'est ça qui a été posé. Les deux, vous devez le faire. Les deux. Vous devez et offrir à l'église et offrir aux démunis. Les deux doivent être pratiqués. La Bible ne lassons pas de faire le bien, n'est-ce pas? Parce que nous moissonnons autant que nous ne lassons pas de le faire, n'est-ce pas? Mais la Bible va plus loin en disant, mais surtout aux frères dans la foi. Ça veut dire que la Bible n'exclut pas le fait que vous fassiez les dons ou bien quoi que ce soit aux gens qui sont à l'intérieur. En fait, ils sont à l'extérieur pour que nous puissions leur montrer la compassion du Seigneur Jésus. Quand Jésus faisait les miracles, il transformait le pain, c'est les disciples qui mangeaient. N'est-ce pas les gens? Si vous lisez Jean chapitre 5, vous tombez au Jean chapitre 10, vous allez voir les gens qui ont mangé le pain. Jusqu'à aller sur la montée, il a envoyé ses disciples partir là sur la montagne prier, il est allé de l'autre côté. Ils ont pris là-bas, vous allez le trouver. Mais tant que tu es venu ici, il dit, vous me cherchez parce que vous avez le miracle, mais parce que vous avez mangé le pain. Il dit, travaillez pour les choses qui sont impérissables. Les personnes qui ont mangé le pain présentement, ils disent, quel miracle fais-tu pour que nous croyons en toi? Cette même personne, ça vous semble pas bizarre? Ce sont des gens qui sont à l'extérieur qui faisaient les miracles, ils l'insultaient. C'est encore même eux qui ont dit crucifié. C'est pour vous dire que nous devons avoir la passion. D'accord, bien-aimé? Mais au milieu de nous, il n'y a pas d'abord cette compassion. Comment devez-vous l'exprimer à l'extérieur? Quand nous parlons des finances, la dernière fois, nous avons vu que les apôtres vendaient tous les biens. Non, tous ceux qui avaient des biens vendaient et venaient déposer les biens au pied des apôtres. On distribuait à chacun selon son besoin, n'est-ce pas? Ça, c'était au milieu des saints, n'est-ce pas? Et on a vu que quand il y avait des familles dans Actes chapitre 11, le verset 26 à 29, lorsqu'il y avait Agabus avait prophétisé par rapport à la famille qui devait avoir lieu sur Claude, la Bible déclare que les gens ont résolu d'envoyer aux chrétiens, aux saints de la Judée, selon leurs besoins, n'est-ce pas? Maintenant, la collecte en faveur des saints, on a dit clairement la dernière fois qu'il y a deux styles de collecte dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il y en avait deux. L'autre en faveur des saints, c'est-à-dire que les offrandes doivent être là. Quand vous êtes dans un milieu, vous qui vous réunissez dans le milieu d'assemblée là-bas, vous devez connaître vos problèmes les uns les autres. Il y a des gens qui ont la formation, n'ont pas d'emploi. Tu peux être riche en relation, tu peux offrir ta relation à ce qu'on puisse employer tes frères là. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont là assis dans des postes, ils peuvent utiliser de leur autorité pour obtenir le travail. Vous savez comment le travail est difficile pour les gens de Dieu. Pourtant, vous avez l'opportunité de le faire, vous ne le faites pas. Pourquoi pas? Parce que c'est seulement vous qui êtes bien placé. Ne faites pas de telles choses, frère. Si tu es riche en temps, offre ton temps pour le Seigneur et cela, mets cela au service des saints. Si tu es riche en relation, mets cette relation au service des saints. Si tu es riche en argent, pourvoir. Il y a des gens au milieu de l'assemblée qu'on les a rejetés de leur maison parce qu'ils ont choisi Jésus. C'est à l'église de prendre soin. D'accord, bien-aimé? Et chacune des fois que vous allez rater des fesses là, vous ratez des fesses là au Seigneur. Parce qu'il a dit, quand il va venir, il ne va pas demander combien de fois vous avez prié. Regardez Matthieu 25, à partir du verset 37. Il a dit, quand j'ai eu faim, on ne m'a pas donné à manger. Vous avez lu ça, bien-aimé? Il a dit, quand t'as vraiment vu toutes ces choses qu'il a récitées là-bas, il dit que chacune des fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Dis à ton voisin, si tu rates de faire le bien, tu rates le Seigneur. C'est ce qui est écrit. Donc, nous devons faire parallèlement le bien au surtout. Regardez bien, il y a quatre styles de personnes dont Dieu a beaucoup attention. Il y a les étrangers, il y a les veuves, il y a les orphelins, et il y a les prisonniers. Alléluia. Voir les étrangers, orphelins, veuves, prisonniers. Ils sont dans le cas de oui, il y a aussi les malades, oui. Donc, faisons attention. Quand vous dites, vous voyez, vous comportez pour aller dans votre dimension donnée, le voisin est en train de souffrir, il lui faut seulement peut-être 2000 francs pour faire le cas, pour acheter le médicament. Vous quittez, vous laissez quelqu'un qui est mourant. Vous êtes exactement comme l'histoire où j'ai rencontré par rapport à le bon samaritain. Vous êtes exactement comme ça. Vous traversez la prison qui est dans le hey, il faut que ne soit pas arrêté au culte aujourd'hui. Vous partez comme ça au culte, laissant la personne qui est mourant, venant de l'assemblée. Oh, j'ai la joie dans mon corps pour donner les types pour qu'on te voit. Vous avez raté la chose. Amen. Donc faisons quelque chose, faisons n'importe quoi pour ne pas être vu des hommes, mais pour que le Seigneur Jésus-Christ le voie. D'accord? Si ton pasteur te dit que c'était seulement que tu vois, lui-même donne sa dîme à qui? Donc, je suis à la fin là. Que dit de celui qui parle en langue et interprète lui-même? C'est scripturaire. Celui qui parle en langue et interprète lui-même. C'est scripturaire parce que la Bible déclare que celui qui prie en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, ça, c'est possible que cela soit. D'accord, bien-aimé? C'est possible. Je ne sais pas qui a écrit cela. Que dit si celui qui parle en langue interprète lui-même? C'est scripturaire. Si c'est quelqu'un qui est vraiment rempli de l'esprit et que vous êtes dans un milieu où véritablement le Saint-Esprit y est, vous devez savoir que ce qui est dit selon l'esprit, c'est ça. Vous n'avez pas besoin d'aller par cache pour savoir si quelqu'un parle par l'esprit de Python. Quand quelqu'un dit à chaque, bientôt c'est une grande église, c'est Dieu qui parle. Hein? Quelle est l'utilité de l'huile d'olive dans l'église? C'est ce verset de 1 Corinthiens, de Jacques chapitre 5, verset 16 là. Quelle est l'utilité de l'huile d'olive? En fait, si vous voulez vraiment comprendre, si vous avez le nom de Jésus, vous n'avez pas besoin de l'huile d'olive. Si vous avez vraiment besoin. L'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 3, il dit que c'est par la foi dans son nom que son nom a raffermi cet homme que vous connaissez et que vous voyez. C'est à la foi dans le nom de Jésus. C'est pas dit que la foi dont l'apôtre Pierre parle là, c'est pas que je crois en Jésus et son nom guérit. Non. Le nom de Jésus que vous êtes donné comme arme. Donc, il dit que c'est pas la foi dans le nom de Jésus que le nom de Jésus Christ a raffermi. Le nom a raffermi. Vous avez le nom, vous avez le nom, vous avez la puissance dans le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de type. Vous n'avez plus besoin des images. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je ne vais pas dire que l'huile est exclue. Parce que la Bible nous ordonne que si nous avons des problèmes parmi nous, nous appelons les anciens, que les anciens prient en loignant d'huile. D'accord? C'est ce qui est écrit. Donc, selon que le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas l'utilisation abusive ou. Ok, je suis allé quelque part, quelqu'un m'a amené quelque part. Je suis allé voir moi-même. Je vous raconte les choses que j'ai vues. Il ne dit pas ce qu'on a dit. J'entre dans un bureau avec une femme, elle a dit qu'elle vient me voir. Elle ne me demande pas que, s'il te plaît, viens me voir si ce monsieur fait ce qui est juste. Ce monsieur, c'est tout dans cette ville, si vous connaissez. J'entre dans son bureau, pas m'asseoir, pour ne pas m'asseoir devant lui. Je suis allé m'asseoir à des côtés. Il était au milieu avec cette femme. Cette maman n'est pas convertie. Il l'a baillé comme ça, dit, quel est ton problème? Les gens sont dehors, ils sont alignés. En entrant dehors, tu t'inscris, on t'impose l'eau tanguée, tu vas boire. Il dit, c'est pas moi qui suis malade, tu l'accompagnes, tu vas boire. Ça fait 2000. Parce que nous sommes dessus, on est devenu 4, ça fait 4 mois, tout ça. On met le nom, on paye. On est entré dans le bureau, on s'est assis. Je ne suis pas ici pour vous moquer, mais montrer seulement les dérives, bien aimé. Je vais seulement montrer les dérives. Elle s'est assise, je suis allé m'asseoir. J'imaginais qu'elle devait dire, quelle est ta relation avec le Seigneur? Elle a dit, quel est ton problème? Elle a dit, mon corps picote chaque nuit quand je dors. Il a poussé 6 bouteilles d'huile d'onction. Donc, l'huile d'onction, quand tu as un mot de tête, c'est lui donc. Tu as un mot de ventre, c'est lui donc. Quand tu as le mot de ventre, c'est lui donc. La maman, elle s'est tournée, regardée, j'ai baissé la tête comme si je ne voyais pas. Elle a ouvert son porte-monnaie, elle a sorti 35 000. En fait, c'était des petits bouteilles comme ça, c'est 5 000 une bouteille d'huile. En fait, dans son bureau, il y a tout un panoplie. On coordonne tout là-bas, mais celui qui coordonne l'huile d'onction. Parce qu'une bouteille, c'est 5 000. Il y avait peut-être 200 bouteilles là-bas. Il y avait des gens dehors. Celle-là seule a pris. Et pour être sûr, il a dit bois une bouteille. Elle a pris, même regardé comme ça, elle fait comme ça. Elle fait, bois ton huile. Bois. Écoutez, vous buvez l'huile, vous montez, vous descendez, ça va vous puger. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que vous buvez l'huile. Alléluia. Elle est sortie, elle fait la bouche comme ça là. Moi, j'ai bu l'eau. Amen. Ne faisons pas de tests. C'est l'utilisation de l'huile d'onction de façon abusive. On commence avec. Mais là-bas, il ne peut pas dire que les femmes mettent le foulard. Parce qu'ils disent comme ça, les clients vont partir. Je préfère dire la vérité si vous voulez vous partir. Amen. Les autres ont suivi les deux premiers jours. Elles ont fui, non? Vous avez résisté pour voir que peut-être elle va baisser. Femme, si tu n'as pas porté le foulard, tu déshonores ton chef. Alléluia. Donc l'huile d'onction est encore utilisable. Ça, on a dans lui ça. Écrit, est-ce que le mot ecclésia que Jésus utilise dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, lequel? On a répondu ça hier. Ok, il voulait demander quel est S'il y a le mot hébreu, en fait, c'est que la question qui était derrière, c'est, puisque Jésus n'a pas parlé en grec, quel est le mot qu'il a utilisé pour signifier le grec? Mais selon vous, Matthieu est écrit en grec, d'accord? Donc, s'il a prononcé, si Jésus a prononcé en hébreu, c'est kata, kata, kata qui veut dire assemblée. Donc, si vous prenez votre psaume 22, le verset 22, si vous prenez le psaume 22, il dit, je publierai ta louange au milieu de l'assemblée. Le mot assemblée là-bas, c'est kata en hébreu. Donc, c'est celle qui est mise pour église. C'est-à-dire que, mais cette fois-ci, en grec maintenant, ecclesia. Très bien aimé. Que le Seigneur bénisse la personne qui a écrit ça. Waouh. Enfin, waouh. Ici, il s'agit particulièrement des sabbats. C'est ça? C'est la sœur là. Le sabbat. Il y a beaucoup de troubles. Beaucoup de troubles. Peuple lui dit, asseyez-vous confortablement. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous disons encore bonne soirée et bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. En ces derniers jours de conférence. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la grâce de vivre selon sa parole. Donc, il y a beaucoup de dérives qui ont été. L'une de ces dérives-là, c'est l'adoration de ça, le samedi comme étant le jour du sabbat. Ça, c'est à l'église. Première chose, cette histoire de sabbat a vraiment troublé. En fait, John Smith, puisque c'est lui qui est l'initiateur du groupe des Adventistes du septième jour, il s'est trompé quelque peu sur les Écritures. Mais ce n'est pas pour dire que tout ce qu'il a enseigné n'est pas scripturaire, d'accord? En fait, le sabbat. Si vous lisez la bête calme, sans parti pris, vous comprenez tout simplement que le sabbat a été donné seulement aux juifs. Comprenant cela, ça règle même le problème. On a même pu répondre à quoi que ce soit ici. Mais puisqu'il faut qu'on aille dans les Écritures pour montrer cela, il faut qu'on aille un peu, d'accord? Le sabbat a été donné clairement aux juifs. Prenons notre Bible. Lisons clairement ce que Dieu est en train de dire, ce qu'il a dit de cela. Amen. La sœur, là, il faut qu'elle vérifie particulièrement, elle prenne les versets. Donc, Exode, prenons le livre d'Exode. Je ne sais pas s'il y a un frère, il y a un autre micro là. Un frère prend Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. S'il vous plaît, vérifiez dans votre Bible ce que vous lisez. Vérifiez tout simplement. Tout ce qu'on va dire maintenant. Donc, je veux qu'on, en fait, en reprenant ainsi, on devait directement arrêter. Le sabbat a été donné uniquement aux juifs. Donc, Exode chapitre 31, on va lire les versets 12 à 17. Exode 31, 12 à 17. Oui. L'Éternel parle et dit, parle aux enfants d'Israël. À qui? À qui? Aux enfants d'Israël, ok. Et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Qui ça? Mais répondez bien aimé, qui? Les enfants d'Israël, écoutez, continuez bien aimé. Car ça sera entre moi et vous. Stop. Vous avez entendu? Entre qui et qui? Le vous là, c'est pour qui? Les enfants d'Israël. Ça sera entre moi et vous, quoi, bien aimé? Et parmi vos descendants, un signe auquel connaîtra. Aussi, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alléluia. Continue, jusqu'au verset 17. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Regardez ceci, à quelques ouvrages, ça veut dire que même t'es lavé. Continuons seulement, bien aimé, on va arriver. On travaillera 6 jours, oui. Mais le septième jour est le sabbat, oui. Le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Mm-hmm. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Oh. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Amen. Normalement. En lisant ce texte, ça devait être clair, on devait arrêter tout débat là-bas. N'est-ce pas, bien-aimé? Ça devrait être clair. En fait, ce qu'il veut vous dire maintenant, c'est qu'il y a une autre façon que les prédicateurs n'arrivent pas à faire comprendre aux gens. C'est qu'en fait, le sabbat n'a pas encore cessé. Il faut qu'on soit clair là maintenant. Dieu n'a pas donné une autre loi. Écoutez, Romains chapitre 10, le verset 4, il est dit, Christ est la fin de la loi. N'est-ce pas? Pour la justification de quiconque croit. Fin là-bas, ça veut dire quoi? C'est telos, en grec qui veut dire but, objectif. Ça veut dire que Christ était l'objectif même. Christ était l'accomplissement. Christ était l'accomplissement. Christ était l'accomplissement de la loi. Christ est-il en vous? Christ est-il en vous? Tu as accompli la loi. Christ est-il en toi, bien-aimé? Alors tu as accompli la loi. Mais ce qui veut dire ceci, c'est que Jésus, écoutez bien, il est venu effacer les actes dans ses prescriptions. Mais la loi de Dieu concernant le sabbat demeure. Mais c'est le problème, c'est que c'est pour Israël. Si vous lisez la Bible, peut-être que c'est surprenant ce qu'il semble vous dire. C'est pour Israël, ça n'a pas cessé. Vous comprenez? Vous me regardez comme ça. Si vous lisez Ésaïe au chapitre 66 et chapitre 65, si vous lisez le verset 12 en montant, où on parle des nouveaux cieux, vous allez remarquer exactement quand Jésus-Christ parle de millénium, pendant qu'il va régner pendant 1000 ans. La Bible déclare clairement que le sabbat sera respecté. Tous ceux-là posséderont devant de lui. C'est-à-dire que le sabbat n'a pas changé. Mais le problème, la dispensation d'Israël et la dispensation de l'Église sont totalement différentes. Voilà pourquoi les non-croyants, les païens, vous voyez, il y a les nations, ou bien les païens, d'accord, et il y a les juifs qui avaient les lois. Ceux qui croyaient en Christ, et qui, puisqu'il y avait d'abord les juifs qui croyaient, le salut vient des juifs. Quand les croyants, les païens croyaient maintenant pour se joindre au corps, ils étaient dans l'embrouille, ils ne savaient pas que faire. Voilà pourquoi il y a eu la conférence de Actes chapitre 15, au sujet des secrets. Ok, maintenant, comme ils ont quitté le monde païen pour venir chez Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? On voulait chercher à savoir comment ils devaient observer. Avez-vous vu dans la résolution qu'ils ont prise là-bas, eux, les apôtres, les anciens et le Saint-Esprit, avez-vous vu une trace de dire clairement qu'il faut qu'ils observent le sabbat? Est-ce que vous avez vu cela? Pourtant, en Israël, c'était une loi où on l'a appliqué. Si vous lisez votre nom par rapport à ce que le frère a lu tout à l'heure, dans Nombre chapitre 15, on a dit clairement en application à la loi de Moïse, on avait vu un homme qui ramassait le bois le jour du sabbat. On l'a lapidé. C'est pas ça? Moïse à lui, on ne connaissait pas. On allait enfermer le camp qu'il faut qu'il baille devant Dieu pour voir. Dieu a dit qu'il n'y a aucun ouvrage. Ça veut dire, bien aimé, si tu quittes ta maison pour aller à l'assemblée le jour du sabbat, pour faire cela, tu pêches déjà devant Dieu. Ça veut dire clairement que la punition, c'est qu'il faut qu'on te lapide. Ah, vous ne parlez plus. J'ai dit ceci. Le moment de quitter chez toi, il y a le chemin du sabbat. Les juifs aimaient contourner, les pharisiens veulent contourner cela parce qu'il ne fallait pas aller de deux cases à la fois. Il y a un chemin qu'il ne fallait pas parcourir, il ne fallait pas transporter même de l'huile, qui est de la taille des aiguilles, l'huile d'olive, qui est la taille de l'aiguille, qui ne doit pas porter cela au jour du sabbat. Lisez votre Bible, bien aimé. Il y a 32 interdictions concernant le sabbat. En fait, l'année sabbatique, si vous respectez le sabbat, il faut respecter l'année sabbatique. L'année sabbatique, c'est-à-dire après 50 ans, vous remettez les dettes de tous ceux qui vous doivent. Vous restituez tout ce que vous avez acheté, même les terrains de l'église là où vous partez. Ils le font. Ils le font. Qu'est-ce qui ne va pas donc? Donc il y avait une distance, on ne devait pas parcourir. Vous avez, on dit que les Juifs sont sortis après la durée de Jésus dans Actes chapitre 1, ils rentrent à Jérusalem à la distance d'un chemin, un chemin de sabbat. C'est-à-dire la distance qui était permise le jour du sabbat. D'accord? Le sabbat a été donné pour les Juifs selon ce qu'on vient de lire dans Exode chapitre 3 là. Le sabbat a été donné pour les Juifs. Maintenant dans le Nouveau Testament, la Bible nous révèle ceci. Si vous lisez, parce que j'ai vu plusieurs questions là-bas où quelqu'un a dit que Paul entre dans l'église dans Actes chapitre 13 et autres, versets 42 et 43. Remarquez très bien que quand ils sont sortis du sabbat, ils sont entrés. On nous a dit clairement d'aller deviner encore l'autre sabbat. Ils y partaient parce que les Juifs étaient réunis. Tout le monde comprend? En fait, je vous pose la question. Si vous regardez dans Exode chapitre 32, lisez doucement, vous allez voir. La Bible déclare concernant le sabbat qu'il devait avoir sur la table de propitiation des pains, les pains qui devaient être donnés en sacrifice, n'est-ce pas? De façon perpétuelle, dans le temple. Le jour de votre sabbat, vous mettez votre pain où? Qui sont ceux qui respectent le sabbat? C'est qui, ma soeur, là? Ces jours-là, donc, est-ce qu'ils mettent donc le pain sur la table, là? On ne peut pas prendre le sabbat, parce qu'il y a une prescription au sujet du sabbat, n'est-ce pas, bien-aimé? On doit les respecter entièrement. Maintenant, dans le Nouveau Testament, si vous lisez votre Bible véritablement, dans le livre d'Hébreux, chapitre doucement, la Bible déclare qu'il a dit ainsi du repos de Dieu. Et Dieu s'est reposé de son œuvre. Il dit, si Dieu leur a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ça suppose qu'ils fixent des nouveaux un autre jour. Quel jour? En disant quoi? Aujourd'hui. J'espère que les gens sont parlé aux gens qui lisent la Bible. Si vous lisez la Bible, vous savez où serait le quoi ils sont parlé. Il parle de Hébreux chapitre 4. Il dit qu'ils n'entreront pas dans mon repos. La Bible déclare qu'il dit cela, quoi que son œuvre fût achevée. Alors, si son œuvre est achevée, qui parle encore de nous repos alors qu'il s'est reposé? De quoi parle-t-il? Ça suppose que le repos dont Dieu parlait dans l'Ancien Testament, était prophétiquement Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 11, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. La Bible déclare donc que nous qui croyons, nous faisons quoi? Nous qui croyons, nous faisons quoi, bien-aimés? Nous entrons dans ce repos. Le repos dont il est parlé, c'était de Jésus. Le repos des œuvres, vous tous qui êtes fatigués et chargés par n'importe quoi, venez à Jésus. Amen. Donc, Il y a également un enseignement qu'on va mettre à votre disposition parce qu'il faut qu'on introduise rapidement l'enseignement. Je vais seulement dire ceci. Vous avez trois possibilités. Si vous voulez observer le sabbat, première possibilité, vous n'avez jamais été sauvé, vous continuez à observer votre sabbat. Voilà la première possibilité. Si quelqu'un veut observer le sabbat, alors qu'il sache qu'il n'a jamais été sauvé, donc il est déchu de la grâce. D'accord? Parce que dans Colossiens chapitre 2, verset 1, 16 à 17, il est dit là-bas que c'était l'ombre, que personne ne vous condamne au sujet des fêtes ou des sabbats ou d'une nouvelle lune. C'était l'ombre, le corps est en Christ. Quelqu'un dit le corps est en Christ. Que personne ne vous condamne au sujet des fêtes, des sabbats, de nouvelles lunes. Que personne ne vous condamne. C'est ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17, là, n'est-ce pas, bien-aimé? Et dans Galates chapitre 5, verset 1, il dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Si vous voulez comprendre, lisez votre acte des apôtres. Quand vous traversez le chapitre 18, le verset 7, vous ne verrez plus nulle part où les disciples entrent, les disciples entrent dans une synagogue le jour du sabbat ou quoi que ce soit. On prend alternativement, si vous lisez les actes des apôtres, on prend alternativement les saintes scènes le premier jour et même le jour du sabbat. Vous avez vu ça, c'est ce qui est révélé dans les Écritures. Le jour n'importe peu. L'important, ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. D'accord? Donc, trois choses l'une. Soit vous n'êtes pas né de nouveau. Vous, c'est-à-dire sauvé par Christ. Vous continuez à observer votre sabbat. Soit vous êtes né de nouveau et vous n'observez pas absolument le sabbat. Le troisième cas, soit vous êtes né de nouveau et vous continuez à observer consciemment votre sabbat, sachant que c'est un choix personnel, que la nouvelle alliance ne vous ordonne pas. Voilà votre trois choix que vous avez. D'accord, bien-aimé? Donc, soit vous êtes né de nouveau et vous êtes affranchi de toutes ces choses-là. En fait, il a dit que c'est pour Israël. Souvenez-vous, si vous faites comme ça, chaque fois par année, chaque trois ans, vous devez monter à Jérusalem. Souvenez-vous, n'est-ce pas? Tout le monde comprend? Après trois années, montez à Jérusalem pour célébrer le sabbat là-bas. La grande fête. Vous devez aller à Jérusalem. Ce n'est qu'à Jérusalem que ça doit se passer. Il y a des gens même qui font ça, ils n'ont pas le passeport. Donc, ce qu'on va faire, c'est ceci. Soit tu es sauvé et tu n'es plus sous la loi. Le sabbat déjà ne te concerne pas. Dans ce cas, il te faut la revenir à Jésus. Soit tu as été sauvé par Jésus et tu le laisses directement. Ou bien, tu es véritablement sauvé et tu décides toi-même de te soumettre au sabbat. Sachant que la Bible n'ordonne pas cela. Exactement comme par exemple, la Nouvelle Alliance n'ordonne pas cela. Un peu comme la dîme. D'accord, bien-aimé? Ça veut dire que c'est ton choix personnel. N'impose pas cela aux gens. Vous voyez? Les gens sont dehors, dit, septième jour, vous n'aurez pas le jour de sabbat. Le septième jour, le quatrième commandement, ce n'est pas comme ça. Il lui faut encore être sauvé, la personne-là. La Bible déclare que nous qui croyons en Christ, nous entrons dans ses repos. Si tu es déjà reposé, tu te reposes dans l'œuvre de l'Éternel, Dieu se repose en toi, vous êtes dans le repos de l'Éternel. Amen. Alors, dans ce cas, si tu choisis la troisième possibilité, sache que si tu obéis à une seule loi, tu pèches contre une seule. Tu es coupable de tout le reste. Il y en a 613 commandements dans votre Bible. 613. Donc, le sabbat seulement. Si je vous donne l'enseignement, là, vous lisez, on n'a pas assez de temps. Les prescriptions relatives au sabbat. Le samedi prochain, vous le donnez au bout du passé, lui-même va démissionner. Le simple fait de se laver ce jour-là, il pêche devant Dieu. Même Jésus a dit, ne savez-vous pas que les sacrificateurs se rendent coupables le jour-là? Parce que le sacrificateur doit faire quoi? Il doit purifier le peuple, n'est-ce pas? Il fait son travail chaque jour, sixième jour. Le septième jour, il est toujours là-bas, le temps pour le faire. C'est son œuvre là-bas, il doit se reposer. S'il se repose, il pêche devant Dieu parce qu'il est censé purifier le peuple. S'il pas fait, il pêche parce que Dieu a dit qu'on ne doit pas le faire, on doit se reposer son œuvre. Le voilà au milieu des lois. Dis à ton voisin, tu as été affranchi. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé.